Moi, je viens de l'au-delà. Pourquoi vous faites les gens hyper heureux? On est content d'être là. Est-ce que c'est hyper smooth l'au-delà? Mais ah oui, ouais, il connaît pas lui. Oui, allô? Allô? Oui. Oui. Tu vas bien? Pourquoi tu m'appelles? C'est qui? Enfin, c'est moi. Allô? C'est Dieu! C'est Dieu, bordel! Oh non! J'y ai cru en plus qu'il allait croire que c'était un pote et tout. Alors, j'aimerais que tout le monde garde son calme. Oh non! Nous allons tout de suite nous tourner vers Thibaut à la réalité Jésus. Non. J'ai un petit problème. Je suis désolé. Ah, non, mais il a raté. Non, en fait, j'ai vraiment un petit problème parce que vous avez dit non, il avait pas encore raccroché. Oui, bah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, on est face à une égalité? Bah, du coup, à une seconde près, Pablo aurait perdu, mais je me demande si c'est pas ça qui lui aurait fait peur. Ah, mais regarde. Bien sûr. Bah, il est gentil. Hein. Il est gentil, Thibaut, bien parce sûr. Que alors, là. Dans le doute, alors il y a l'article numéro 57 du Pourquoi tu m'appelles. Hein, et oui, effectivement. Qui dit que quand on intervient dans l'appel de notre camarade alors qu'on ne doit pas intervenir. Bien sûr. C'est l'auditeur qui gagne. Ça nous donne une pénalité de 1 seconde. Et effectivement, c'est une pénalité de 1 seconde. Si je les ajoute, ça fait une égalité. T'inventes. Et quand il y a une égalité, eh bien, il y a l'article numéro 2 du Pourquoi tu m'appelles qui dit. Que, bien sûr, c'est remporté par l'auditeur. Eh ben, Audrey, c'est gagné. Ouais. Mais nous, de toute façon, on est les meilleurs pour inventer des lois à brûle pour point. Ah non, l'article 52 existe. Mais c'est vrai que vous êtes rentré dans mon truc. Hein. Ouais. Ouais, excusez-moi, ouais. Il était en train de partir, c'était on a essayé de le retenir. Vous êtes rentré quand même. La loi, c'est la loi, Babel. Audrey, ta platine vinyle à la maison avec le vinyle Polaroid d'expérience de Youssoupha, mon chat. Et bah voilà. Oh, le top, allez. Cette magie, j'en vais rien. J'adore. Bisous. Gros bisous. Bisous. Et on parlera un jour du côté complètement mégalo de Pablo qui choisit comme personnage Dieu. Voilà. En toute détente, sans c'est aucun clair. Problème. C'est ce qui m'allait le mieux, je trouve. C'est clair. C'est ce qui me va comme un gant. Jean-Michel Boulard. Bon, il est 21h57. On va accueillir dans un instant toute l'équipe de Love in Fun qui vont vous accompagner jusqu'à minuit. Mais avant, quand même, on voulait revenir sur un des points importants de cette soirée. C'est vrai qu'il s'est passé plein de choses ce soir. Ouais. On a pranké Norman tout à l'heure avec Hakim Omiri qu'on embrasse. C'était juste génial. Il s'est passé des choses. On vous a eu au 01 42 48 5000 et il y a eu le Christmas Tour. Ah, c'est sûr, le Christmas Tour, vous savez, hein, c'est Fun Radio qui part fêter Noël un petit peu partout en France. Nous, toute l'équipe du Night Show, on sera à Jump Arena, ce sera à Bordeaux. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on peut pas partir avec tout le monde. Il faut qu'il y ait un seul artiste qui reste dans les studios pour décrocher le 01 42 48 5000 et que vous puissiez passer à l'antenne. Il y a eu le combat, le fight ce soir entre Axel du Standard et Rémi. Et malheureusement, Rémi, c'est la défaite. Ouais, alors c'est le public qui a choisi avec Amir le producteur. Donc c'est Rémi qui va rester à Paris. On verra dans un instant comment Love in Fun ont fait pour choisir leur standardiste, si c'est pareil ou si eux ils peuvent emmener tout le monde, j'en sais rien. Rémi, alors, Rémi, tes impressions? Non, c'est vrai que c'est assez dur, mais bon, Axel s'est très bien battu. Je pense qu'on a eu vraiment un beau duel enfin bref, voilà, j'ai perdu. On a compris, j'ai perdu, je reste à Paris, c'est fini. C'est fair play, bravo. C'est pas grave, il y aura d'autres trucs. Non, mais c'est pas grave. Non, ne sois pas déçu. Décidément, la lose, ça résume ta vie. Oh non, le pauvre. N'hésite pas, surtout, merci. Non, mais c'est pas grave. En tout cas, bravo, Axel. Toi, tu viens avec nous, t'es notre champion. Ouais. Merci. Et je suis désolée, mais Rémi, pendant qu'on annonçait ta défaite, il y a les standardistes de Love in Fun qui étaient morts de rire. Tu foutais de ta gueule, mais rien. Karel, comment ça se passe chez vous? Vous emmenez tout le monde? Vous allez dans quelle ville? Vous dites-nous déjà. Alors, nous, on va à Rennes. Ouais. Et effectivement, on peut pas aussi emmener tout le monde. Ah, alors comment vous départagez-vous? Alors, choisir, c'est renoncer. D'accord. Et j'ai envie de dire qu'en fait, comme on n'arrive pas à les départager, il y en a aucun des deux qui va venir avec c'est nous. Pas vrai. Et du coup, on va y aller avec Rémi. Mais non, ils sont dégoûtés. Si. Qu'est-ce qu'il y a, Coco? T'es pas content? Ouais, non. Mais non, mais sinon, je vais vous dire, nous, ça a été un grand moment. Les épreuves, si vous voulez les départager. Vous avez fait les épreuves. Ils se sont battus au meilleur canular et meilleure chanson en impro. Ah, c'était très drôle. Et c'est le public qui a voté et tout. Donc, on sait jamais si vous voulez faire le combat de vos standardistes. Si vous voulez, nous, on vous refile les droits des jeux. Hein. Ah, il y a pas de problème. Mais je pense que de toute façon, c'est Coco qui va partir avec nous et Méloche qui va rester ici. Oh, elle est dégoûtée, Méloche. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis nulle? Tu mises pas sur moi, c'est ça? Non, pas du tout, mais il faut faire un choix. En même temps, donc c'est. Tu préfères Coco? Non, mais attends, déjà, c'est pas moi qui choisis, c'est Kassim, c'est le producteur. tiens la patate chaude. Kassim? Ouais. Alors, mais qui va venir avec nous? Bah, c'est Coco qui va venir avec nous parce qu'il m'a dit que je pourrais baiser sa meuf. Voilà, nickel. Comment ça se passe? C'est toujours fin. N'hésitez pas à faire du trafic d'êtres humains. Nous, on se retrouvera demain soir en direct dès 20h sur Fun Radio. Love in Fun avec toute l'équipe. Restez avec eux. C'est en direct jusqu'à minuit. On vous embrasse. À demain. Au revoir. Bisous. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio, Radio, Radio. Nouvelle soirée, nouvelle émission qui commence. Il est 22h. Bonsoir à tous. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va tout le monde? Ça va, tout le monde s'installe. Voilà, vous écoutez Fun Radio. L'émission s'appelle Love in Fun. Vous intéressez dans une émission qui est différente. C'est une émission où on va vous donner la parole pendant 2 heures. Vous allez pouvoir ici nous poser toutes les questions que vous voulez, venir nous parler, nous raconter un petit peu votre vie. Vous savez qu'ici, il n'y a aucun sujet tabou. Vous voulez parler d'un truc, vous composez le 01 42 48 5000 et on en parle tous ensemble. Et ce qui est vachement bien dans cette émission, c'est qu'il y a une vraie communauté Love in Fun, tout le monde qui s'entraide, qui se soutient justement. Et si vous voulez avoir des petits conseils, des expériences aussi d'autres auditeurs, d'auditrices qui écoutent l'émission et qui peuvent aussi nous appeler, n'hésitez pas. C'est votre émission, on la fait tous les soirs, tous ensemble, avec plusieurs animateurs. C'est une grande équipe. Oh, oui, non, une très très grande équipe. À commencer par comme habite. Un médecin. Le médecin. Alors, il est médecin, capitaine de bateau. Il est. Non mais c'est vrai. Alors franchement, Doc. Non mais c'est vrai. Cette petite barbe te va ravir. Ah, oui, merci. Ça va, Doc? Très bien. C'est quand même le médecin le plus funky de la planète. Hein. Vous avez vu son tatouage et tout. Il a des piercings. Il a un piercing au gland, Doc. Bah bon, à l'anus. T'as vu ça? Non, attends, Doc. Je te l'avais dit, Doc. Tu n'as rien vu. Quand tu me dis quelque chose en antenne, je le dis à l'antenne. Non, mais Doc, voilà. Imaginez. Je dis ça pendant mon sommeil. Ah, mais t'as un piercing. On dormait ensemble. Il a un piercing au téton, il a un piercing au gland. Non. Et il a un tatouage sur le. Ah, donc ça veut dire qu'il a donc un piercing au téton. Parce que ouais, là, il n'a pas dit non. C'est vrai ou c'est pas vrai, Doc? Oui, c'est vrai. Attends, ça doit faire super mal. Ah bah oh, juste à la seconde où on te l'a fait, puis la seconde après c'est passé donc. Non mais c'est pas. Attends, ah ouais. Oui, mais c'est parce que tu l'avais remarqué. Ah bien sûr, Doc. Il l'avait senti. Ouais, il l'a grillé. Et j'attendais de pouvoir le placer un jour ou l'autre. Et bah, je crois que c'était le moment. Voilà. Elle a aussi des piercings, mais pas côté ton. Non. Hein, c'est vrai. Oui, elle a un piercing à la langue, oui, Alice. Elle est en train de se bousiller toutes ses dents. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai failli l'avaler à plusieurs reprises à l'antenne, mon piercing. Et ça, c'était gênant. Comment t'avais accepter parce que ouais, je connais un petit peu tes parents, hein, on les a déjà rencontrés avec l'équipe et tout. Ouais. Ils le sont, parrain. Voilà. El padre. Oui, ton père, voilà, c'est un mec qui vient de la Calabre, de l'Italie. comment est-ce qu'il a pris la nouvelle quand tu es venu le voir et tu as dit padre, je voudrais me faire un piercing au téton? En fait, je ne lui ai pas vraiment dit. Un soir d'été, je suis sorti de l'école. De l'école. Ah oui! Et j'ai décidé de faire percer ma langue. Et voilà, je me suis fait griller, je me suis fait défoncer. Bah oui, oui. Ah, tu m'étonnes. Eh, franchement, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des. Voilà, vous aussi, vous avez envie de vous faire un petit piercing, un petit tatouage et tout, venez nous raconter comment ça s'est passé. Parce que quand les parents l'apprennent, je sais pas, c'est comme si notre corps leur appartenait également. Hein, tu sais, non, tu fais pas ça sur ton corps. Non, c'est moi qui l'ai fait. Parfois, ils ont quand même raison parce qu'il y a des trucs que j'avais envie de faire quand j'étais genre au collège, genre des mèches rouges devant ou des mèches blondes un peu chelou. Et quand je vois mes copines qui l'ont fait sur les photos de classe, bah, je suis bien contente que mes parents m'aient empêché de le faire, tu vois. Bah, parce que disent, franchement, des fois. Ils disent pas que des bêtises. Ouais. Non, mais c'est vrai, ils ont tendance à réussir leurs enfants et puis il y en a qui sont dans l'échec avec Kassim, le reproducteur. Ça va, Kassim? Oui, très bien, ouais. Ah, dès que tu rentres chez toi, chez tes parents, ils te jettent des cailloux. Ah oui, ils m'insultent. Hein, ils t'insultent. Ils me renient. Non, tu ne mangeras pas ce soir. Je peux avoir un petit peu de purée? Non, ils me disent non, je suis la risée de ma famille. Ah, oui. Non, voilà. Il fait la fierté de son papa, entre autres. Non, c'est vrai. Ah on se demande pourquoi. Ah, si, il est très fier de toi. Ouais, il connaît pas tout. Il sait pas tout. Et bien sûr, il y a deux standardistes qui sont là. Il y a Coco et Méloche. Alors, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de le Christmas Tour, puisqu'on va aller à Rennes. Ce sera lundi la semaine prochaine. Et c'est vrai qu'il a fallu faire un choix. Le choix, c'est tout de suite décidé. On n'a pas mis longtemps à choisir, finalement. On n'a même pas choisi. Hein, ça s'est fait, quoi. Non, mais c'est Kassim. C'est Kassim qui a dû faire un choix. Et Kassim a choisi Coco. Ah oui, moi je le préfère. Apparemment, c'est Coco qui fait les meilleures pipes, quoi. Non, c'est juste que tu suces pas la bonne personne. Voilà. Tu vois, à un moment donné, tu vas choisir. C'est encore autre chose. Louis, il est là ou pas? Louis, 20 ans de Marseille. Salut toute l'équipe. Salut Louis. On va parler de ta voisine dans un instant. Ce soir, on va écouter de la musique. Ça te fait plaisir? Ouais, moi j'aimerais bien Bad Bunny et Mia Bad Bunny et Drake Mia. Bad Bunny et Drake Mia. C'est ça, Bad Bunny et Drake. Ce soir, il y aura aussi Kenu Silva. Little Beaches. Prince Karma dans l'émission ce soir avec Little Beaches. Tu vas me le mettre, mon Kenu Silva, ou pas, Kassim? Ouais, il est là. Ça, je kiffe. T'aimes bien ou pas, Louis, là? Ça te fait kiffer ou pas, ce son, là? Ouais, j'adore ça, moi. Ça fait plaisir. Louis qui est avec nous, là, au standard, au 01 42 48 5000. Alors, je le dis, ce soir encore, on fera une nouvelle battle, puisque chaque soir, on va vous offrir 100 euros de bons d'achat à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Et ce soir, on fera une nouvelle battle si vous avez un incroyable talent. C'est la soirée incroyable talent ce soir. N'hésitez pas à nous appeler. Pendant toute la journée, on vous a mis nos incroyables talents sur l'Instagram de Love in Fun. Et Kassim arrive à roter à répétition, par exemple. De ouf. Ça, c'est un talent incroyable. Oh, il arrive pas super bien. Franchement, il y a des gens qui arrivent à faire des trucs de ouf en rotant, genre dire carrément une phrase entière. Mais c'est vrai, hein. Vous avez jamais entendu ça? Non. Franchement, je serais étonné d'entendre ça. Vraiment. Moi, personnellement, j'y arrive pas, mais je connais des potes qui arrivent à le faire, quoi. Ils font toute une phrase, ils te récitent l'alphabet et tout. Genre, c'est hyper impressionnant. Et vous avez ce talent-là. Alors, ça peut être n'importe quel talent. Bien sûr. Un talent qu'on entendra au téléphone. Si tu nous appelles et que tu sais toucher ton nez avec ta langue, on le verra pas. On s'en fout. Coco, il y a que ça qui sait faire dans cette vie. C'est un peu le problème. Louis, toi, t'es à Marseille. T'as un talent d'ailleurs, toi, Louis? Ouais, moi je peux péter à répétition, mais bon, c'est un peu gênant, quoi. C'est marrant, j'ai le même talent. Péter à répétition, ça va, c'est facile, hein. Mais c'est genre comme roté? Vous arrivez à péter sur commande? Ouais, tu te forces un peu et ça sort normalement. Mais non. Genre à chaque fois, à chaque moment, genre là maintenant je te demande de péter, t'es capable de péter? Ouais, mais au téléphone c'est un peu chaud, quoi. Non mais bien sûr, mais tu serais capable de le faire? Oui, par contre oui. Vas-y, que de la gueule, fais-le. Ouais, pas au téléphone. Vas-y, mets en haut-parleur, comme ça on m'entend bien. Mets en haut-parleur. Ça sent pas, tu peux y aller. Oui. Force bien qu'on entende. Alors, vas-y. Non, mais parce que c'est facile de dire des choses et puis de pas les faire. Bien sûr. Alors, Louis. Je pourrais très bien tricher en plus avec la bouche, je le ferai. Vas-y, Louis. Ah non, je peux pas. Je suis sûr que l'espace d'un instant, il a essayé de pousser un peu et tout. Il s'est dit, ça vient pas du tout. Il stresse. Bah, bien sûr. Louis, on va parler de ta voisine, d'accord? Ouais. Bah, allez, raconte-nous, parce que ça a l'air magique ton histoire. Là, on commence fort encore ce soir l'émission, je vous le dis les amis. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta voisine, mon Louis? Alors ma voisine, ma nouvelle voisine, parce que ça fait 6 mois qu'elle est à l'étage du dessous. Ouais. Comment dire que ça fait... elle est restée un mois tranquille, si vous voulez. Et le mois d'après, elle a commencé à partir un peu en couille, genre. Elle a commencé à se faire démonter dans tous les sens, tout au long de la nuit. D'accord. Ouais, se faire démonter cordialement, on va dire. Non mais elle a un copain, quoi, non? Non, elle en a plusieurs, en tout cas. Alors, c'est-à-dire, tu regardes qui c'est? Non, mais on va dire que c'est assez fréquent. C'est quoi le problème alors? Parce qu'elle a le droit de faire l'amour. Elle crie trop fort. Elle crie trop fort. Tout, moi. D'accord. Ouais. Et genre, ça t'empêche de dormir? Ben ouais, le problème, en plus que je suis ivoire, donc je me lève très tôt le matin, et toute la nuit, j'entends l'autre qui est... qui gueule, on va dire. Mais qui gueule? Alors, genre, elle dit des trucs et tout, ou pas? Genre, ouais, des fois, ouais, c'est le jeu. T'entends que des cris ou parfois, elle dit vas-y, tape au fond? Ça peut arriver, mais la plupart du temps, ouais, elle gueule bien fort. Et ça dure combien de temps? C'est animal. Oh, je sais pas. Franchement, ça peut durer une demi-heure comme une heure. Parfois c'est toute la nuit, c'est assez aléatoire, mais c'est trop fréquent, on va dire. Moi j'en profiterais pour me branler, hein. Dire avec, non mais c'est vrai, t'as l'impression d'y être. T'as pas besoin de film porno, donc. Hein, voilà, et puis en plus, une fois que tu t'es branlé, tu sécrètes de l'endorphine, c'est ça, Doc? Tout à fait. Hein, et après tu dors. Voilà, le repos du guerrier. Eh ben merci d'avoir appelé, Louis. Hein, voilà. Non, franchement, c'est relou. Les murs sont trop fins aussi, c'est ça? Ben, j'ai l'impression que les murs, il n'y en a pas, en fait, c'est du papier. Ah oui. Ah mais souvent, c'est comme ça, hein, dans certains immeubles et tout, t'entends les voisins tout le temps, et quand ils sont en train de faire l'amour, c'est clair que ça peut être très chiant. Dans la cour aussi, moi j'ai une cour et ça résonne vachement. Il y avait des gens que j'entendais tous les soirs à la même heure, 2h30, 3h du mat, en train de baiser, quoi. Et ça résonnait de ouf. Et un soir, j'ai pris ma voix de Michel, comme on l'appelle, la voix où je modifie ma voix. Ouais. Et en fait, j'ai gueulé, genre, tu vas fermer ta gueule! Et genre, tu vois, genre vraiment, je pète un câble, quoi. Elle assume tellement pas. Elle change de voix, Alice. Mais oui, parce que sinon on allait me reconnaître tout de suite. Et j'ai gueulé comme ça dans la cour. Et je les ai entendus fermer la fenêtre. Non mais de toute façon, chez Alice, c'est bizarre. Je me souviens une fois, elle nous avait dit: ouais, je crois qu'il y a un tournage de film porno qui serait juste en face de mon appartement. Ouais, ça c'était chaud. Je voyais des gens, enfin j'entendais des gens qui étaient en train de jouir. Et au loin, je voyais en fait des spots qui filmaient quelque chose. Genre, il y a un putain de film qui est en train de se faire et tout. Trop dans, chelou. Dans ce quartier? Non, c'est pas possible. Ah bah si. Dans tous les quartiers, ça existe. Hein. Ouais. Je sais alors, bien. Alors, Louis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer un petit coup de téléphone. C'est pour ça que tu nous as appelé. Ah oui. Parce que là, je fais que la harceler et l'autre, elle gémit comme une chienne. Voilà. Enfin, Ça va, on se calme. Sentir, elle prend du plaisir. Hein. Oui. Bon. Puis, elle a aussi. Elle prend beaucoup de plaisir. Louis, faut que t'en prennes aussi. Ouais, non, mais. Entre jouir et gueuler comme jamais, il y a une différence quand même. Et tu lui as déjà dit à elle, hein? C'est des fenêtres ouvertes. Ah oui, non. Mais je la harcèle, j'y mets des lettres, j'essaie. Sérieux? Elle répond pas. Ok, on va l'appeler. Ah bah ouais, bah là, elle abuse. Là. On va l'appeler dans un instant. Je savais pas que tu lui avais déjà dit et tout. Dans un instant, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est pas grave, on va quand même l'appeler dans un instant, vous restez bien avec nous. T'as eu le numéro de téléphone, donc on l'appelle d'ici 3 minutes, vous bougez pas. Louis va appeler sa voisine pour lui dire qu'elle fait trop de bruit le soir quand elle fait l'amour avec ses copains. Je sens qu'on va se faire une nouvelle auditrice ce soir. On va encore gagner une nouvelle copine, une nouvelle amie. Restez bien avec nous, Jonas Blue, Liam Payne. C'est dans 3 minutes. On parlera aussi ce soir des accidents quand on fait l'amour, ça arrive, il y en a plein qui sont déjà blessés. Ah oui. 01 42 48 5000, à tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Et votre réveil, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Cette semaine, à 7h10, Bruno paye vos factures avec JBL, le numéro 1 des enceintes portables. Allô? Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio! Et en plus, gagnez chaque jour la JBL Xtreme 2. L'enceinte portable ultra puissante qui anime vos plus grosses soirées. Ah, merci! Envoyez vos factures à facture@funradio.fr. Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Les défis Soch. Imaginez un chant de Noël. Je suis passé chez Soch. Une superbe promo se cache dans ses cadeaux. Hey, en chaussons, dans ce salon, célèbre en chanson, en chanson, en chanson. Jusqu'au 10 décembre, 9h, profitez du forfait 50 gigas à 9,99€ par mois pendant 12 mois, puis 24,99€ par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rapport Arcep 2018. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur soch.fr. Fun Radio et W9 présentent les princes et les princesses de l'amour.

Ah oui, oui, oui, oui, le Christmas Tour revient. Et on est tellement content d'aller en Bretagne. On va à Rennes lundi la semaine prochaine. Vous allez pouvoir assister à Love in Fun, l'émission en direct depuis le Meltdown. C'est le repère des gamers là-bas, hein, le Meltdown à Rennes. N'hésitez pas. Alors si vous voulez participer, inscrivez-vous ce soir au standard. Il faut nous appeler. Vous allez tomber sur Meloche. 01 42 48 5000. Une belle voix va vous accueillir sur Fun Radio. J'allais dire une saloperie. Personne ne réagit. T'sais. Mais oui, elle a une belle voix. Mais... N'hésitez pas en tout cas. Et franchement, on sera tellement content de vous voir et tout. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Vraiment, ça va être énorme. Et ça se passera donc lundi prochain. On vous prépare d'ailleurs pas mal de petites surprises. Il y aura des cadeaux à gagner. Des gros cadeaux à gagner. Quand Alice dit que c'est gros, c'est que c'est vraiment gros. Ouais, gros sinon, hein. Moi je dis des petits cadeaux. Voilà. Donc ouais. N'hésitez pas. 01 42 48 5000. Là maintenant, on va appeler la voisine de Louis. 20 ans de Marseille. T'es là, Louis? Ouais, je suis là. Alors, Louis, voilà, est un petit peu gêné. Hein. On sent que t'es pas à l'aise dans tes chaussons, là. Ouais, pas trop, c'est un petit peu compliqué à dire, même si je l'ai harcelé. Voilà, c'est ça. Donc tu es face à une voisine qui fait l'amour. Voilà, c'est ça. Ta situation. Non mais je vais résumer. Louis, t'inquiète pas, je vais résumer. Ah, oui. Laisse faire les pros, Louis. Ouais, je vais résumer, mon Louis. Je vais pas te faire répéter tout ce que t'as dit tout à l'heure. Ça fait 6 mois qu'elle a emménagé. Au départ, c'était plutôt tranquille, et puis là, c'est tous les soirs un nouveau. T'as l'impression, elle fait l'amour jusqu'à pas d'heure. Et toi, tu te lèves tôt le matin. Rappelle-moi ta profession, Louis. Je suis chauffeur. Voilà, chauffeur livreur. Donc forcément, tu te réveilles tôt le matin pour aller prendre les colis, tout ça. Et toi, t'en as plus que marre. Tu lui as envoyé des courriers, c'est ça? C'est ça. J'ai essayé de la joindre par téléphone, sauf qu'elle n'a pas répondu. Ouais. Et... Donc. Alors, est-ce que t'as déjà eu un contact avec elle? Est-ce qu'elle t'a déjà dit quelque chose? Elle a répondu à rien du tout. À rien du tout. Et elle sait que c'est toi, le voisin d'en bas. Ben je me doute, oui. C'est bizarre du contraire, en tout cas. Tu l'as jamais vu, jamais croisé, je veux dire. Ben non, j'ai pas eu l'occasion, vu que je pars tôt le matin, tout ça, ouais. Non. Ok, Louis, t'es un peu timide ou pas? Non. Non? Bon, bah, je crois qu'il fallait sonner surtout à sa porte. C'est grave. C'est ça qu'il faut elle faire. Elle va peut-être pas nous répondre là non plus. Bah, on va essayer de l'appeler tout de suite. On appelle Natacha. Elle s'appelle Natacha en plus. Natacha. J'ai connu une Natacha. Été 99. J'avais 8 ans. Allô? Salut Natacha, c'est ton voisin du dessus. Ton voisin alors, du dessus? Oui, alors je t'appelle parce que j'ai essayé de te joindre par courrier, par téléphone, maintes et maintes reprises, on va dire. C'est toi qui m'harcèles? Voilà. Et oui, mais je t'harcèle pour une bonne raison, en fait, si tu veux savoir. C'est que le matin, je me lève tôt, j'ai un métier, on va dire, où j'ai besoin de dormir, tu vois, pour rester éveillé, pour pas me planter en voiture, tout simplement. Et toi, quasiment toutes les nuits, tu fais du porno, tu fais un dessous de chez moi, quoi. C'est j'entends mais tout. Mais alors ça, ça te regarde dormir, absolument pas, ça c'est ma vie privée, en fait. Ouais, c'est un peu privé, je veux bien, hein. Mais quand ça me gêne pour dormir, c'est autre chose, tu vois. Eh ben dans ce cas, je change d'adresse, ouais. Je suis désolée, non. Mais je viens d'arriver dans le coin, je débarque, voilà, je ne te connais pas. D'ailleurs, où est-ce que tu avec qui tu as eu mon numéro? C'est le syndic. Où t'as eu mon numéro? Au syndic. D'accord. Donc le syndic donne le numéro de n'importe qui comme ça. D'accord. Très bien. On est à Marseille en même temps. Marseille. Oui, oui, bien sûr. Mais. Voilà. Moi, je suis Marseillais. Donc, entre Marseillais, on sait. On va dire ça comme ça. Mais qu'importe, qu'est-ce qui te dérange, en fait. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Que tu travailles à 5h du matin ou pas, moi, je m'en fous. Ouais, moi, je fais ma vie, toi, tu fais ta vie. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de... Et comment on fait alors? Il n'y a pas de... Je te harcèle par lettre, par téléphone. Comme un animal, et moi je dors pas, c'est ça? Mais tu te démerdes, t'achètes des boules quilles, hein? Oh! Ouais, c'est bon. Mais moi je suis à Marseille, je suis des boules quilles, des cache-oreilles, tu prends ce que tu veux, tu te démerdes. Je suis chez moi, donc si tu... Eh ben dans ce cas, change d'adresse. Moi, je déménagerai pas pour toi. Je déménagerai pas pour toi, mon garçon. Arrête. J'ai pas déménagé. Je te dis d'arrêter de gueuler comme un animal. Alors, tu. Mais ce que je te dis, c'est que je fais ce que je veux. Oh, je suis chez moi. Ouais, mais ferme les fenêtres ou, je sais pas, mets de l'isolation, mets des coquilles. Eh ben, dans ce cas, appelle le propriétaire, dis-lui de faire les travaux ou fais-les toi-même, j'en sais rien, mais, hé, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je vais pas changer de plafond, frère. Hé, il va falloir que t'arrêtes de te plaindre, là, franchement, ça me fatigue tous les jours, quasiment, une fois par semaine, j'ai des lettres dans la boîte, là, c'est bon? Natacha. Bah, attends, c'est normal, quoi. Natacha, bonsoir, Natacha. Bonsoir, Natacha. Bonsoir. Louis. Ah, ça ouais. M'étonne pas qu'elle arrête pas, franchement. Quoi, alors, Natacha, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, Natacha. Hein? Tu es en direct sur Fun Radio dans toute la France. C'est pas super, ça? Oh mon Dieu. Alors, moi, je m'appelle Karel. Il y a Doc, il est médecin sexologue. Salut. Et Alice, également présente. Salut. Voilà, Louis nous a appelé dans une émission de Libre Antenne. Où ici on peut tout dire, et il nous a parlé un petit peu de ses problèmes qu'il pouvait avoir avec sa voisine qui prenait beaucoup de plaisir. Et alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Natacha, parce que on a un médecin sexologue qui est avec nous et qui va nous dire s'il est possible de jouir mais sans faire de bruit, Doc. Ah oui, tout. OK, d'accord. Tout est possible, bien sûr. Maintenant, on peut jouir avec beaucoup de bruit des fois, un peu moins de bruit des fois, jouer le jeu du silence des fois. Ah. Et voilà, ça, c'est tout ça, c'est dans du jeu, bien évidemment. Puis on peut en rajouter aussi, hein, mais on n'est peut-être pas obligé de le faire 100% du temps, 7 jours sur 7, etc. Ah oui. C'est aussi ça, vivre en bon voisinage, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde doit arriver à vivre dans un compromis et s'entendre pour faire que ça se passe bien pour tout le monde. Donc un équilibre et un juste milieu. Est-ce que Natacha serait pas un petit peu égoïste? Ah mais complètement. Je suis chez moi. Je suis à Marseille. Je suis dans mon appartement. Je n'ai de compte à rendre à personne. Bah, mais alors, je suis désolé, Natacha. Il a des boules kiev, des cache-oreilles. Natacha, ça ne marche pas comme ça. On vit tous en société. Les murs sont ce qu'ils sont. Voilà, c'est chacun trouve un positionnement. On n'est pas. C'est comme si tu mettais la. Après, c'est pas comme si je le faisais exprès non plus. Non, c'est bien pas sûr. Ah donc, bien sûr. De ma part, de casser les oreilles. Bien sûr, voilà, mais c'est comme si tu mettais la chaîne. Et la voisine, c'est super. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Louis? J'ai dit, j'ai les gilets jaunes qui me cassent les couilles, j'ai ma voisine. Oui, c'est un autre problème, on va pas tout mélanger. Je ne commence pas trop à me chauffer parce que sinon, je te promets, ça va très mal se passer. Oui, déjà, tu me fais passer sur Fun Radio, allez, j'apprécie pas trop, tu vois. Tu me harcèles tout le temps, c'est bon. Natacha, sache en tout cas une chose, c'est que plus tu fais de bruit et plus Louis se branle avec ta voix. Magnifique, on adore. Et plus tu me branles, non, mais. Natacha, c'est bien de prendre du plaisir. Bravo, continue. C'est pas le souci. Non, hein, pas, voilà. Mais oui, Louis, il faut trouver un compromis. De toute façon, on est là pour trouver des solutions, hein, et faire que les gens puissent s'entendre. Je vais lui offrir une centaine de boules Kiev pour l'année, et comme ça il sera content. Je pense que ça va pas suffire. Simplement, voilà, si une fois par-ci par-là, tu peux faire moins de bruit, moins être expressive, parfois, pas tout le temps. Mais voilà, il a un métier où il se lève tôt, où il est chauffeur livreur, et donc du coup, faut qu'il soit en forme le matin. Ouais. Oui, mais bien sûr, je me doute. Mais voilà, essayez de trouver un compromis, de discuter, d'en rire, d'en plaisanter, d'en faire quelque chose de léger. Voilà, c'est plutôt agréable d'entendre effectivement une voisine qui prend du plaisir. Faut juste pas que ce soit trop fréquemment parce que derrière, eh bien, c'est difficile pour les travailler. Écoutez, j'ai l'impression que je gueule comme une truie. Faut arrêter un peu. Bon, alors, Natacha. C'est pas possible ça, c'est n'importe quoi. Natacha, on a fait le tour. Franchement, on a fait le tour et après, on va se répéter. Il y a une seule question à te poser ce soir. Natacha, c'est est-ce que tu acceptes de faire un effort? Elle a le droit de jouir. Non, mais non, elle a le droit de jouir, putain, non, mais si toi, tout le monde pouvait jouir. C'est pas possible ça, et continue comme ça, je descends, je te promets, je t'en colle une. Vas-y, viens, je t'attends, viens là. C'est la guerre des voisins ou quoi? Appelez Julien Courbet. Est-ce que vous êtes célibataires tous les deux ou Natacha, c'est juste des plans cul? Parce que vous pourriez pas faire l'amour ensemble? Ça serait quand même un putain de compromis. Alors ça, c'est juste impossible. Pourquoi? On sait jamais. Pourquoi pas, non. Natacha? Louis, il est sympa, hein? Tu l'as pas vu en plus? Ouais. Non, il y a pas de je sais pas quoi avec mon voisin là. Non, lui il va rester dans son petit appartement tranquille là. Ouais. Des fois ça. Pas quoi, et c'est voilà. Sauvage entre vous, ça. Ah, okay. Ça peut s'arranger sur l'oreiller des fois. Ça va s'agripper là. Vaut mieux pas se croiser dans l'ascenseur. Bon, alors Natacha, en tout cas, j'espère que le message est passé. Je suis sûr maintenant que quand tu jouiras, tu penseras à ton voisin et que tu te diras. Mais ça va me perturber plus qu'autre chose. Et c'était le but. Mais tant mieux. Voilà, Louis, il en a marre. D'accord, Natacha. Oh, qu'il arrête de se plaindre, c'est bon. Bon, on prendra des nouvelles de Louis et de Natacha. Très bientôt. Oh, ouais. Tu nous tiendras au courant, Louis, si Natacha est. Tu vas voir, Louis, tu vas avoir de mes nouvelles, moi. Tu vas voir. Ouais. Moi aussi, je vais faire chanter les filles. Et voilà, Louis. Mais fais-le, va tirer un coup, ça te fera du bien plutôt que de faire chier le monde autour de toi là. Voilà, mais ça c'est normal, c'est à Marseille. Je veux dire, tu t'insultes mais tu t'aimes très fort. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Natacha, Louis, vous allez pouvoir discuter un petit peu en antenne. On a créé le contact, au moins ils sont en communication tous les deux, ils vont pouvoir se parler et évidemment faire des petits efforts. On va dans un instant parler, Alice, de blessures pendant l'amour. On a reçu un message de Pauline, elle s'est déboîtée une hanche en pleine levrette. Mais donc non. Ce sont des choses qui arrivent et c'est pas la seule parce qu'il y a quand même une personne sur trois qui a déjà vécu un petit accident en plein rapport sexuel. Ah ouais, non mais attends, il y a des positions qui sont dangereuses. Hein. Ah bah oui. Ah moi une fois, j'ai failli avoir la bite cassée. Cassée. Non, mais cassée. Ça existe, hein, cassée. La fracture de verge. La fracture de verge, Doc. Mm-hmm. Non mais c'est vrai. C'était une position, tu sais, où la, tu sais, elle est complètement remontée et tout quoi. Mm-hmm. Et c'était un délire. Et j'ai cru que j'allais perdre mon pénis. Et crac. On en parle dans un instant sur Fun Radio. Les accidents quand on fait l'amour. Tu sais quand tu prends ta nana et tu la balances sur le lit, mais qu'en fait t'as retombé sur la commode. Hein, ça peut arriver ça aussi. Hein. 01 42 48 5000. Vous nous appelez, vous réagissez, on vous attend. Et voici Jonas Blue, Liam Payne, Polaroid sur Fun Radio. Love in Fun. I wasn't looking for someone that night. No, I was never a believer. But you could fall in love at the first sight. But all of a sudden, we loved and got lost in the moment. All of a sudden, she's gone in the flash of a light. I never was looking. I'll be looking for the rest of my life. Loving fun. Love. In Fun. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. 100 euros de chèque cadeau à gagner, à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. On se fait une battle là. Une battle différente d'ailleurs tous les soirs. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Ah bah, la simulation d'orgasme. Ah oui, un magnifique concours de simulation d'orgasme. C'est incroyable. Ce soir, on va faire une battle d'incroyables talents. Vous avez un don, un talent à exprimer. Venez nous en faire profiter et venez gagner 100 euros de bons d'achat pour Noël. Franchement, vous vous régalez, vous choisissez tout ce que vous voulez. Et ça vous fera des petits cadeaux sympas à offrir à vos amis. Et franchement, ça vaut le coup. Hein. N'hésitez carrément pas. Sélectionnez-vous là dès maintenant au standard avec Coco et Meloche qui décrochent 01 42 48 5000. On parle des accidents. Et est-ce qu'on s'est déjà blessé en faisant l'amour, Alice? Bah moi personnellement ça m'est arrivé quelques fois, mais là c'est surtout qu'on a mais pas des gros accidents, genre, pas des gros bobos. Non, pas des gros bobos. Ça m'est déjà arrivé de perdre justement la boule de mon piercing et du coup bah tu te retrouves à faire une fellation avec la barre quoi, avec la petite pointe qui pique. Ah ouais. Donc j'ai fait une petite griffure de tub. Oh ça va. Oh bah sur un gland ça fait mal. Bah, j'ai léché la plaie. Et donc on a reçu un message de Pauline hein, qui elle s'est carrément déboîtée la hanche en pleine levrette et du coup bah pas facile quoi. Donc elle a été à l'hôpital parce qu'elle a senti que ça avait été trop fort. Le truc s'est décalé, elle arrivait plus à bouger, plus mais à marcher. Donc voilà, fini aux urgences à cause de ça. Et c'est pas la seule, j'ai fait mes petites recherches, il y a quand même une personne sur trois qui a déjà été victime d'un accident en plein rapport sexuel. Mais c'est possible ça doc de se luxer la hanche? Bien sûr, tu peux te luxer toutes les articulations. Ah ouais putain, mais comment? Après, il y en a qui sont plus propices que d'autres, surtout l'épaule. Voilà, c'est l'articulation la plus luxable, plus que la hanche, mais certainement qu'elle avait une prédisposition à la luxation. Ah bah oui, sûrement. Qu'est-ce qui est le plus dangereux quand on fait l'amour à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? La fracture de verge, c'est voilà. Ah. Enfin, faut quand même y aller costaud, au coton. Mais bon, c'est plutôt rare, hein, bien évidemment. Quand la nana est sur toi, mais dos à toi, là, c'est une position franchement qui peut te faire une fracture. De toute façon, quand tu sens que t'as mal. Voilà, faut faire un geste, faut hurler, faut t'arrêter. Et si t'as une fracture, tu vois, parce que là, je m'imagine, je fais l'amour à quelqu'un et bam, je pète la verge. Parce que c'est possible, hein, moi, j'aime bien tester des expériences. non, mais c'est vrai, et je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Allez, enfin, les urgences directement, okay, faut aller à l'hôpital tout de suite, ça s'opère. Mais on peut, ça se récupère. Est-ce que du coup, c'est des chirurgiens spécialisés à ça. Il y en a pas beaucoup en France, mais enfin, en tout cas, ça se fait. Et on fait une reconstruction, c'est ça? Parce que c'est pas un os, hein, c'est du tissu. Voilà, c'est du tissu musculaire, donc ça se recoud. On a Tom. Tom qui est avec nous, 24 ans de Valenciennes. Bonsoir Tom. Bonsoir équipe. Ça va tout le monde? Ça va et toi, Tom, t'es où là? Là, je suis au stade de Lens. Hein. En fait, je suis en train de regarder le match Lens-Brest. Et vous écoutez avec les écouteurs. Et tu vois, quand j'ai vu l'appel, quand j'ai eu le sujet, j'étais obligé de vous appeler, quoi. Ah, trop fort. Mais t'es au match là? Ouais, je suis au match là. Ouais, okay, je suis dans les shots, mais je suis au match. C'est quoi le score? Là, ça fait 2-0 pour Lens. Mais j'adore, c'est génial. Tom, il est en train de mater le match. Il a Love in Fun dans les oreilles. C'est super. Pour nous raconter sa blessure pendant l'amour. T'étais obligé de nous appeler pour nous dire quoi alors, Tom? Alors, en fait, j'étais pendant l'acte avec ma copine. Enfin, ça faisait un an qu'on était ensemble. Donc, on a commencé les rapports non protégés. Et au début, qu'on a commencé ça. Et à un moment où j'étais au-dessus d'elle, si tu veux, et on a entendu un gros claque. Et là, on a fait « Ok, c'est bizarre ». Et en fait, on s'est dit « Ok, il y a un problème ». Donc, je suis sorti d'elle et je me suis pété le frein, en fait. Donc, c'est pas ça le pire. Parce qu'en fait, moi, je m'étais pété le frein. Donc, le sang partout sur la verge et tout, etc. Dans la panique, ma copine se rhabille. Elle va voir ma mère qui est infirmière. Donc, ma mère monte. Mais non! Et voilà, on a vu le pénis à l'air. En train de saigner. Voilà. Mais c'est pas vrai! C'est énorme! Putain, il y a la mère qui est en bas, qui est infirmière, qui va soigner la verge de son fils. Putain, mais. qu'est-ce qu'elle a fait, du coup, maman? Elle a pratiqué les premiers soins? Bah, elle m'a dit on enlève le sang, tu tiens, et puis il faut attendre. Il n'y a pas d'autre choix. C'est ça, Doc. Si on se pète le frein, c'est quoi d'ailleurs le frein, Doc? C'est un petit bout, c'est le dernier bout du prépuce qui est attaché au gland, qui permet de décaloter. Et effectivement, c'est assez fragile. Ça peut se rompre assez facilement sur une pénétration un peu forte, un peu sèche. Ça pisse le sang. Maintenant, c'est pas très grave. Du coup, quand c'est déchiré, ça repousse plus long que ça n'était et ça cicatrise le truc comme il faut. Donc il faut, voilà. À la rigueur, on fait rien. Bon, chez certains hommes. Tu te l'appelais. Chez certains hommes, on fait quand même un point de suture. Toi, t'as pas eu de point de suture, en tout cas, Tom. De quoi? T'as pas eu de point de suture, toi? Non, ça s'est refait tout seul. D'accord. Alors ça s'est refait tout seul, d'accord. Oui, c'est ça. Et t'es parce que ça s'est pété une fois, ça peut se répéter une deuxième fois ou on peut y aller. Bon, en général, quand. Apparemment, ouais. Ouais, bah non, parce que comme ça repousse plus long que c'était, donc du coup ça a moins de chances de se répéter. La nature est bien faite. Ah ouais, c'est comme les lézards quoi. C'est ça. Putain, c'est fort ça. Hey, Tom. Ouais. Bah bonne fin de match hein. Bah merci. Eh, c'est super cool. Reste avec nous, il y a Morgane aussi qui veut raconter. Et Morgane est de Lens. Morgane. Oui, bonsoir tout le monde. Salut Morgane. Il y a match ce soir. Ouais, j'habite à côté de Lens, je suis pas de Lens même. D'accord, donc tu t'en fous du coup. C'est ça. Alors, Morgane, est-ce que t'as déjà eu un petit accident pendant que tu faisais l'amour avec ton mec? Ah ouais, il y a 4 ans, j'étais sur en dessous de lui et on a voulu basculer. Et en fait, en basculant, mon genou est venu taper dans une de ses testicules. Non, mais je vais raconter. En fait, il n'y a pas eu mal tout de suite, donc on a fini l'affaire. Et en fait, c'est en se relevant après que là, il s'est dit j'ai quelque chose qui ne va pas. Et en regardant sa testicule, elle est devenue bleue. Et en fait, elle s'est retournée. Oh non, il a une torsion testiculaire. Le genou. Non, ouais, je sais pas si ça. Je pense pas que ça fait une torsion testiculaire. C'est certainement un hématome. Ah ouais, parce que. Après, on a dû aller aux urgences, ouais. Et en fait, le médecin a replacé la testicule comme il fallait, en fait. Ah, elle est peut-être rentrée en intra. Ah, t'as déjà fait ça, toi, Doc, replacer des boules et tout? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Ah, non, c'est quand même chirurgical. Hein. Ah ouais. Non, mais voilà, putain, et un petit accident de boule, comme ça, disons, Morgane, t'as un sacré coup de genou, toi. Hein. Ouais, au revoir. Putain, en plus, franchement, les couilles, ça fait mal de ouf. Ouais, c'est comme les seins chez la femme. Ah, c'était mal pour lui, hein. Ah mais, moi j'ai encore une question, Doc. Pourquoi ça nous fait si mal les couilles? C'est très très sensible, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, c'est comme ça. Ah mais voilà. C'est des douleurs tellement aiguës. C'est fait exprès, tu sais pourquoi? Non? Bah c'est important comme organe. Donc il y a plein de récepteurs sensitifs pour dire attention, danger. Attention, pour danger. Les protéger. Ah voilà, protéger. Comme les seins, c'est pareil. Eh ben, on embrasse toutes les filles qui ont des seins ce soir. Élodie. Et les hommes aussi. Et les hommes aussi, bien sûr. Élodie. Oui. Élodie, tu vas nous raconter Bonjour, Élodie. Tu vas nous raconter ton accident. Mais juste avant, dans l'équipe, il y a quelqu'un qui a déjà eu un accident ou pas? Ouais. Ah, Kassim, le reproducteur. Moi, je baisais ma meuf et du coup, je me suis retourné, je lui ai mis un coup de genou dans la figure. Elle saignait du nez, je suis sûr. Ah oui, non, mais elle était un peu amochée, la pauvre. Elle a un pétard. Élodie, elle a raison, ça, c'est méchant. Coco, il t'est arrivé quelque chose, toi? Un petit accident? Ouais, moi, j'ai une torsion testiculaire en faisant ça. Oh, ouais. Je jure, c'est vrai, mec. Tu l'as eu? J'étais en plein acte et d'un coup, j'ai la couille qui s'est retournée. Et alors du coup t'as été aux urgences? Et je suis allé aux urgences et j'étais en Grèce, je suis allé voir l'urologue. L'urologue, je peux dire que mon pote, il m'a opéré la première fois, il m'a touché. Je suis retourné le voir, il avait exactement le même polo et tout le monde était là, mes potes ils filmaient et tout dans le truc, c'était pas du tout hygiénique. C'était dégueulasse, je te jure, c'est vrai. Tu sais quoi, l'histoire du polo, on n'a pas compris. Mais si, en fait, le mec, polo, il avait le même polo. C'est-à-dire que j'étais allé le voir 3 jours avant, il avait le même polo. Voilà, bah écoute. Il l'a peut-être lavé, qu'est-ce que c'est? Je m'en fous, il l'a pas lavé, c'était dégueulasse. Et il t'a touché les couilles. J'étais en flip. Et il y a encore des vidéos qui tournent, tu peux les retrouver, tu vas sur mon Facebook, tu les retrouves. Bien sûr, ok, d'accord, mais je crois que j'ai ça à foutre d'aller sur ton Facebook. De voir ta couille retourner, qu'est-ce qu'on s'en fout de voir tes bourses? Il est con, celui-là. Élodie, t'es arrivé quoi, toi? Bah moi il m'est arrivé qu'on était en position levrette, donc jusque là rien de normal, ouais. Et il a voulu se repositionner. Sauf que en se repositionnant, il m'a cassé la cheville. Ah, j'ai eu peur. Cassé la cheville. Il t'a cassé la cheville? Bah. Mais non. Oui. Mais t'as la cheville hyper sensible. Oui, après j'ai eu, parce que je suis footballeuse, donc mes chevilles prennent beaucoup, puis j'ai été défilée aussi. Et je sais pas ce qu'il a voulu faire, et puis il m'a cassé la cheville. Donc sur le coup, je me suis dit, bah c'est rien, c'est qu'une entorse, ça arrive. Sauf que quand j'ai vu la cheville qui était toute bleue, puis j'ai rien, quoi, parce que j'avais mal. Là, j'ai dit, tu m'emmènes direct aux urgences. La levrette a brisé ta carrière. Putain, mais grave. Mais c'était une fracture. Et le truc, c'est que les infirmières, elles demandent ce que j'avais fait. Puis je leur dis, bah c'est rien, c'est au foot. Je me suis tordu la cheville. Très bonne excuse. Et ensuite, on m'a pris en levrette. Élodie, merci beaucoup. La Franche-Comté, c'est Besançon, Lens, Valenciennes. On vous fait des gros bisous. Bisous, Tom. Il y a eu un but. Il y a eu un but. But pour qui? Il y a eu un but pour Brest. Ah, la Bretagne. Mon

Kenu Sylvain sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 01 42 48 5000. 22h minuit sur Fun Radio. N'hésitez pas, n'oubliez pas l'Instagram de Love in Fun. Tous les jours, une nouvelle story à aller mater. N'hésitez pas à vous abonner. On a aussi des comptes perso. Moi, c'est Karel Fun Radio avec un K comme Kevin. Alice underscore radio. Oui, avec un A comme anus. Mais bien sûr, bah voilà, n'hésitez pas à aller vous connecter, à aller mater tout ça, à vous abonner. Et on va prendre des nouvelles de Florel. Ah, ça fait plaisir. Alors, Florel, t'es là ? Coucou, oui, bon. Je suis là. Bonsoir, Florel. On adore ça, prendre de vos nouvelles. Vous êtes passé sur l'antenne de Fun Radio. On se rappelle, on vous le dit souvent. On aime bien savoir, avoir la suite un petit peu. C'est comme une série. Tu sais, t'as la fin de l'épisode et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Que et sont-ils devenus? Que sont-ils devenus, c'est ça. Bon, là, c'était il y a combien de temps, Florel, que tu nous as appelé? C'était la semaine dernière, hein? Ouais, oula, ça a l'air d'aller mieux, hein. Alors, Florel, on va réécouter ce qui s'était passé à l'antenne, tous les conseils qu'on t'avait donnés. La seule chose que je peux dire, c'est que Florel nous avait appelé parce que elle en avait marre que son mec de 26 ans préférait vivre chez ses parents. Écoutez. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et franchement, il me fout la mort parce qu'il préfère, j'ai l'impression qu'il préfère vivre chez sa mère. Chez sa maman plutôt que vivre avec toi. Bah, c'est ça. Il est tout le temps chez elle, il veut pas vivre chez moi et franchement, j'ai besoin de vous parce que ça me gonfle. J'ai l'impression que, bah, qu'il a pas envie de vivre avec moi, en fait. D'accord, mais alors, t'en as déjà parlé? Il t'a dit quoi? Il te répond quoi à ça? Mais il fuit un peu la question, en fait. Ce que je lui pose pas forcément la question, mais je lui dis, tu voudrais pas rester plus bien à la maison et tout? Il me dit, oui, mais j'aime bien aller chez mes parents, machin. Enfin, j'ai l'impression, en fait, que cette question, ça le dérange. Mais je veux savoir pourquoi. Et en fait, il me dit pas le fond de sa pensée. Et ça me saoule, parce que du coup, à un moment donné, si c'est pour qu'il reste chez sa mère, je veux pas d'entendu chez moi, quoi. C'est pratique, hein. Bah oui, mais je suis sûr que c'est de sa faute à sa mère. Bah oui, ah ouais, cette connasse. Reste, hein, avec moi, mon fils. Non, mais tu l'aimes pas, sa mère, Florel? En fait, ça me saoule parce que j'ai l'impression qu'elle fait tout pour le garder chez elle. Et en fait, ça commence vraiment à me ronger de l'intérieur. Et je commence justement à moins apporter dans mon cœur, en fait. Et il passe que les week-ends. Toute la semaine, il est chez sa mère et les week-ends avec toi, chez toi. Ouais, mais c'est ça. Et c'est moi, ça me fout la mort, en fait. D'accord, parce que t'aimerais, voilà, l'avoir au quotidien. T'as envie d'avancer dans ta relation, quoi. Bah, c'est le but d'un couple, non? Au bout de 3 ans, quand même, ça mais se oui, fait un petit bouge, quoi. Bah oui, c'est le but d'un couple. Après, ça peut être ton envie à toi, et puis lui, il n'est pas prêt encore, et ça peut être plus tard. C'est peut-être pas pour maintenant, tu sais. On n'est pas tous sur la même vitesse. Et donc, il y a des choses qui sont évidentes pour l'un, et puis bah, pour l'autre, oh, bah, je sais pas, peut-être pas tout c'est de vrai, suite. C'est vrai, Doc, il est encore en coloc, par exemple. Il est grave. Ouais, je suis revenu sur le tard. Il pédale lentement. Florel, tu sais quoi? On va s'en occuper. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler, ton mec. Ouais. Florel, tu veux qu'on lui parle ou tu veux lui dire? Parlez-lui. Ok, pas de problème. Allô? Ouais, salut Benjamin. Ouais, salut. Salut, comment ça va? Ça va, nickel. Tu sais qui t'appelle? Ouais. Ah ouais? C'est Karel? Ah ouais, c'est Karel, dis donc. Bah ouais, ah, comment tu sais? Bah, parce que j'écoute de temps en temps la radio et la voix n'est pas inconnue. D'accord. Et là, tu me reconnais? Ah, c'est sûr que là, c'est plus difficile. C'est Michel. Pardon, humour de merde. Alors, Benjamin, ouais. si on ouais, t'appelle, ouais. Est-ce que t'écoutais là ce soir? Non. D'accord. Non, je suis chez moi, enfin, chez mes parents, tranquille, devant la télé. D'accord, Benjamin. Ouais. Ce soir, si on t'appelle, c'est pour t'annoncer quelque chose. D'accord. As-tu, ouais. Je vais te poser plusieurs questions, d'accord? T'es en direct dans Love in Fun avec Doc, avec Alice, on est là. Salut. D'accord, ah ouais, ok. D'accord, Benjamin? Ouais. As-tu une petite amie? Oui. Es-tu très amoureux de cette petite amie? Oui. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça fait 3 ans. D'accord. Et ça fait combien de temps qu'elle t'attend pour venir dormir chez elle? Oula, ça fait un petit bout de temps, mais bon, j'ai entendu dire les week-ends. J'ai entendu dire que tu préférais rester chez maman plutôt que d'aller de temps en temps, et même un peu plus que de temps en temps. Peut-être même penser à avancer au bout de 3 années de belles relations dans votre couple, à vivre avec Florel. D'accord. Ouais, c'est... Parce que Flora, elle nous a tout raconté, elle est là, elle est furieuse. Ah ouais, carrément. Flora, elle, t'es furieuse ? Bah oui, je suis furieuse, ça fait 3 ans. Enfin, je veux pas dire 3 ans, mais ça fait longtemps que je t'en parle, que tu viens de la maison et toi, tu restes chez ta mère. Donc, je voudrais savoir pourquoi, en fait. Y'en a marre. Ah ouais, mais on a déjà parlé, quoi. Enfin, et tu fuis la question, donc j'aimerais ton avis, vraiment. Dis-moi pourquoi. Je te l'ai déjà dit, on a déjà parlé. Enfin, voilà, moi, je suis bien chez mes parents. C'est pas que je t'aime pas, mais enfin, je suis amoureux, mais... Mais je suis bien chez mes parents, enfin, tu comprends. Enfin, je veux dire, je suis tranquille. Tu devrais comprendre quoi ? Je suis tranquille, enfin, je veux dire, ma mère, elle me fait ma lessive, tout. J'ai l'abonnement Netflix gratos. Non, attends, ça se partage, ça, Benjamin, moi aussi, je l'ai. Oh, le radin. Tu d'amis. C'est un peu tanguy. Tu restes chez ta mère, Karel, mais tu restes chez ta mère tout simplement parce qu'elle te lave ton linge, elle te fait la vaisselle, elle te fait à bouffer, tout ça, quoi. Ah. Ouais, mais je t'ai déjà dit, je suis tranquille. Je veux dire, j'ai besoin de la voiture, je prends la bagnole quand j'ai pas la mienne. Enfin, voilà quoi. Ouais, c'est luxe quoi. Ouais. C'est ça, tu peux avoir tout ce que tu veux. Oui, mais tu comprends que pour Florel, c'est pas assez, c'est plus assez. Je veux dire, à un moment donné, c'est vrai, Benjamin, regarde ta relation. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Et là, tu lui as dit quand même la phrase terrible, c'est pas que je t'aime pas. Mais je préfère rester chez ma mère. C'est horrible ce que tu viens de dire, Benjamin. T'es plus amoureux de Florel. Mais ta mère. Mais bien sûr que si. Tu couches avec ta mère. Ouais. Ah, voilà la vérité. Voilà. Ah voilà. Elle est pas ta mère. J'ai découvert le n'importe quoi. Bien. Comprenez-moi quand même. Enfin, je sais pas. On est tous bien chez les parents. On n'a rien à payer. La paye, c'est de l'argent de poche. Tu vas y rester jusqu'à quel âge ? 50 ans ? 60 ans ? Non, il y a forcément un moment où voilà, ça va me faire tilt et puis voilà, je voudrais l'indépendance, mais là je suis bien. Le tilt est pas arrivé, c'est ça que t'es en train de dire. C'est pas pour tout de suite. Ouais, non mais tu te rends compte que je vais attendre combien de temps moi ? Ça va, t'as vu l'âge qu'on a quand même. Enfin voilà, ouais, à un moment donné, Florel, des enfants et tout. Florel, je vais te dire un truc. À partir du moment où il veut plus habiter, enfin où il veut pas venir chez toi, il veut pas habiter chez toi. Tu coupes les vivres, plus de cul. Florel, parce que quand il vient chez toi, tu sais ce qu'il fait, Benjamin, à quoi il pense. Et à Estier, je vais tirer mon petit coup chez Florel. Puis après, je vais rentrer chez maman qui va me faire à manger. Hein, et puis après, je vais retirer mon petit coup chez Florel. Et puis Non, mais attends, mais. Dit comme ça, c'est dégueulasse. Mais oui, c'est un peu rude. C'est vraiment salaud ce que tu fais, Benjamin. Alors, Benjamin. Oh, c'est belle. Enfin, je sais pas, moi je sais pas quoi répondre, on a déjà parlé, enfin voilà, moi je suis bien chez mes parents, je l'aime, mais... Essaye d'avancer peut-être un petit peu plus au moins, tu vois, lui donner quelque chose comme élément. Si tu l'aimes, t'as envie de la voir peut-être un peu plus. Si là, vous faites une nuit par semaine, vous passez à 2. Si vous en faites 2, vous passez à 3. C'est de partir en week-end, c'est de partir en vacances. Enfin, c'est que la relation, elle avance un petit peu quand même. Et pas qu'elle stagne. C'est sûr que là, elle a l'impression de stagner et qu'il n'y a rien qu'à bouger. On va habiter chez ma mère. Ah, il est génial. Tu plaisantes. Il est trop fort. Il a pas coupé le cordon, hein. Florel, il a pas coupé le cordon, hein. C'est clair. Bon, il y avait quand même eu beaucoup de conseils. Hein, on peut pas. J'ai réécouté. On a été bons dans les conseils. Non, mais vraiment, on avait essayé de. Non, mais on fait bien notre boulot. Hein, non, mais vraiment. Non, mais c'est bon, ça va. Et Florel, que s'est-il passé ? Parce que là. Franchement, ton mec, c'était pas possible de continuer comme ça, quoi, à un moment donné. Bah, que s'est-il passé ? On a eu une très bonne discussion. Donc, je lui ai reposé noir sur blanc, droit dans les yeux, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, est-ce qu'on avance ? On n'avance pas. Et donc, bon, on discute. Et là, il me dit quoi ? Bah, on n'a qu'à aller vivre chez mes parents. Comme ça, on va économiser le loyer, on va économiser plein de choses. Je lui ai dit, mais tu descends sur terre, là. Et juste radin, du coup. Ouais. Mais c'est ça, mal, hein. Tout ça parce qu'il a son putain d'abonnement Netflix, qu'il a sa bouffe tous les soirs, son linge rangé, propre, tout ce que vous voulez. Et du coup, voilà. Et franchement, je suis dégoûtée. Je suis en train de me poser la question si vraiment je continue avec lui ou pas, parce que c'est bon, quoi, qu'il reste chez sa mère et basta, quoi. C'est... Ok. Enfin, je sais pas. Tu sais, tu lui as dit les choses. Il les a entendues. Tu lui as reposé la question. Les choses, elles sont claires pour toi. T'as exprimé tes désirs. Si lui, il veut pas. Voilà, à toi ensuite de prendre tes décisions. Est-ce non, que... Doc, il va quand même pas le quitter. Non, mais tu peux jouer l'ultimatum. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Si tu bouges pas, j'arrête. Voilà, j'en ai marre. Moi, j'ai pas envie d'aller vivre chez tes parents. J'ai envie de vivre avec toi et personne d'autre. Voilà, c'est toi que j'aime, c'est pas ta mère et ton père que j'aime. Voilà, je les déteste. Hein. Dis-le, je les déteste. Je vivrai jamais chez eux. Hein, tu vois. Alice, tu ferais quoi, toi? Moi, j'irai vivre avec lui chez sa mère et je ferai en sorte que sa mère nous foute tous les deux dehors. Oh, pas mal. Ah, pas mal. Faut y arriver. Ouais, mais voilà, il faut quand même accepter d'aller vivre et tout, quoi. Bah, tu vas et puis tu fais comme lui. Tu donnes tes fringues à laver à sa mère, tu ranges rien, tu fais en sorte que, bah, tu veux vivre comme ça, bah, en vivant comme ça. Et la mère, au bout d'un moment, elle va en avoir marre. Parce que son fils, ça va, mais deux d'un coup. Et puis voilà, il se fait virer. Non, mais, alors, ouais, mais je la sens très autonome et indépendante, quand même. Bien sûr, moi, c'est une idée de merde comme ça. Je suis pas médecin, hein, tu sais. Florel, il faut de toute façon à un moment donné qu'il, enfin, prendre une décision, quoi. Et si tu sens que vraiment il n'est pas prêt à faire cet effort-là, Benjamin, bah, peut-être que l'ultimatum reste l'ultime décision. Ouais, je vais vraiment réfléchir sur cette question, c'est pas mal. J'y avais pas pensé. C'est vraiment dommage, hein. Ouais, prends tes distances un peu. Mets-toi en retrait sans vous séparer, hein, mais juste voilà, tu donnes moins de nouvelles, t'en prends moins, tu prends voilà, moins. Peut-être qu'il va comprendre, ouais. Se dire ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, qu'est-ce qui est le plus important. Et puis si à un moment donné ça bouge pas, eh bien c'est écoute, maintenant ça suffit. C'est eux ou moi. OK. Bon courage, Florel. Ouais, merci. Il en faudra. Merci, en tout cas. Bon, on te fait des gros bisous, Florel. Tu nous tiens au courant, encore une fois, hein, si oui. Jamais il y a un retournement de situation et que Benjamin a enfin compris, d'accord? Ouais, ça, on verra. Hein. Mais je vous tiendrai au courant, la famille. Merci beaucoup, en tout gros cas. Gros bisous, Florel. Bisous. Salut, ma chérie. Bisous. Salut, ciao. Et alors, c'est dans un instant qu'on va faire l'incroyable talent. Et ouais. Ah, c'est génial. Nouvelle battle ce soir. On va accueillir nos quatre candidats dans un instant. On peut même les accueillir maintenant. Il y a Chloé qui est avec nous. Bonsoir, Chloé. Bonsoir, toute l'équipe. Bonsoir, salut. Chloé. T'as 20 ans, t'es de Lyon. Quel sera ton incroyable talent en un mot? Le pet choun. Le pet de foun. Non, tu vas quand même pas nous faire un pet de fouf en direct. Et si, mais pas. Oh là là là. Alors ça, c'est un incroyable talent. Je dis oui. Ah, Clément, 20 ans du Havre. Oh, ça promet. Bonsoir, Clément. Salut Clément. Toi, ce sera quoi ton incroyable talent? Du beatbox. Ok, Cathy, 27 ans de Bayonne. Bonsoir, Cathy. Oui, bonsoir. C'est quoi ton incroyable talent, toi, Cathy? Oh, un trouble de la personnalité, mais on verra ça un peu plus tard. Très bien. Elle est pas tranquille, Cathy. On sera avec Sylvain aussi, 23 ans, Montpellier. Salut, Sylvain. Salut tout le monde. Salut, Sylvain. Quel sera ton incroyable talent à toi? Alors moi, je sais roter en parlant. Restez avec nous, on se fait une énorme battle. 100 euros de bons d'achat à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Et voici le Prince Karma sur Fun Radio. Et Love Bitches, c'est Love in Fun. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Just take another drink with me. Thanks. Later, bitches. Bitches. my God. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that. I'm not, like, wearing any underwear, so... Later, bitches. Karma, Let the Beaches sur Fun Radio. La battle, Loving Fun, sur Fun Radio. Les amis, à la technique, c'est le branle-bas de combat. Oui, nous sommes en Facebook Live. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à brancher Facebook. Vous allez vite nous retrouver en Facebook Live, car oui, ce soir, nous lançons une nouvelle battle. Love in Fun, un incroyable talent ce soir. Je rappelle que c'est pour gagner 100 € de chèques cadeaux à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. On fait ça tous les soirs de cette semaine et tous les soirs, c'est un jeu différent ce soir. Voilà, j'ai fait un appel au talent pour s'exprimer sur l'antenne. Ils vont s'affronter, ils sont quatre. Nous allons accueillir Clément, 20 ans du Havre. Bonsoir Clément. Salut Karen, salut l'équipe. Bonsoir Clément. Cathy, 27 ans de Bayonne. Bonsoir Cathy. Oui, salut Karen, salut toute l'équipe. Bonsoir Cathy. Sylvain, 23 ans de Montpellier. Salut tout le monde, salut Karen. Salut Sylvain. Et Chloé, 20 ans de Lyon. Bonsoir Chloé. Bonsoir tout le monde. Salut Chloé. Chloé est très très motivée. Alors, vous avez tous, chacun d'entre vous, un talent en particulier dont vous allez vous allez nous montrer un petit peu l'étendue de vos possibilités. Je rappelle que sur le Facebook Live, vous pouvez commenter, bien sûr partager le Facebook Live et nous dire voilà qui est votre favori, celui que vous avez préféré. Vous pouvez voter aussi sur le Facebook Live. On va commencer par Clément. Clément, à 20 ans, au Havre, quel est ton incroyable talent ce soir ? Je fais du beatbox. Tu fais du beatbox. On va te laisser exprimer ton talent en direct sur Fun Radio, dans toute la France. Place au talent de Clément, le beatbox. C'est bon, je peux y aller, là ? Vas-y ! Le beatbox. Ok. One, right. If it damn the listen to my trap. C'est un belle incroyable. Beatbox. Ah, belle beatbox. belle beatbox, Doc. Voilà, Doc, on en connaît un petit peu plus sur les intentions de Doc vis-à-vis de Clément. Il aime beaucoup sa beatbox. Alors, Clément, bravo. Franchement, n'hésitez pas à nous dire sur le Facebook Live qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Clément. Est-ce que Skrillex aurait aimé ce beatbox ? Il y avait quelques influences, en tout cas. On s'y connaît pas trop, nous. Hein, donc, n'hésitez pas, si vous faites du beatbox, justement, à juger la prestation de Clément. Ouais, franchement, Alice, tu peux pas dire on s'y connaît pas trop. J'ai déjà entendu Alice faire du beatbox. Et franchement, ça déchire. Tu peux juste nous faire 3 secondes de beatbox, Alice, s'il te plaît. Attends, faut que je me prépare. Attention, attention. Bravo Alice, bravo, incroyable. Ah oui, c'est elle est là. J'ai vu ça de ma vie. Tu vois Clément, en 2 secondes, t'as mis à l'amende. Ouais, c'est vrai que t'as peut-être du niveau, Clément. Cathy, c'est au tour de Cathy. Cathy a son incroyable talent. Quel est ton incroyable talent, Cathy? Eh oui, eh ben Cathy, elle a, comment dire, c'est compliqué. Il y a la charmante Cathy que vous écoutez actuellement. Oui. Voilà, il y a moi, 27 ans, Bayonne. Mais depuis des années, Robert l'habite. Robert prend la place des fois de Cathy. Et c'est très compliqué pour moi, c'est une bataille de tous les jours. Tous les jours. Il veut sortir, il veut combattre, dur, fermement, travailler, dur, s'exprimer. Mais non, moi je suis la croqueuse de vie. Je veux, voilà, explorer le monde, explorer. Et Robert m'interdit. Incroyable. Cathy, c'est incroyable comme talent. T'as une double voix. Génial. T'es capable de faire une voix d'homme et une voix de femme. Mais alors ma question, c'est un homme ou t'es une femme du coup? Ah là là, combien justement. Voilà. Le problème, c'est que beaucoup, ça m'a joué des tours, ça, quand j'étais plus jeune. Enfin, je suis toujours jeune, mais beaucoup plus jeune aussi. Bien sûr. Mais ouais, c'est vrai que ça m'a joué de gros tours. Passer de ma voix normale, très pratique au téléphone pour envoyer chier les copines. Ah ouais. Quand on m'entend, c'est de sortir et qu'elles appellent. Non, je suis désolée, elle n'est pas disponible. Mais tu fais ça pour le délire ou genre en toi t'as vraiment la sensation d'avoir deux personnalités? Non, pour le délire. Ok, tu as cru. C'est génial. Franchement, dites-nous ce que vous avez pensé de l'incroyable talent de Cathy en Facebook Live. C'est incroyable. Là, elle a mis la barre très haute. Ah, franchement, incroyable. On y va, Sylvain. Hola. Ah, on sait que Sylvain, lui, ça y est, là, il sait déjà qu'il a perdu. Franchement, après ça, c'est chaud quand même. C'est chaud. Mais toi aussi, Sylvain, crois en toi. Tu as un incroyable talent. Tu as la capacité de parler en rotant. C'est bien ça. Ouais. Je me suis dit tout à l'heure, ça t'a un peu. On va dire que ça te surprenait un peu ça. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Eh ben, c'est parti. On y va, Sylvain. On t'écoute tous pour ton incroyable talent. Top, c'est parti. Du coup, je dis quoi comme phrase? Bah, tu dis ce que tu veux, Sylvain. Attendez, je reprends mon souffle. Ok, et t'as vu, il avale de l'air et tout avant. Dis, c'est Love in Fun sur Fun Radio. Comme ça, on verra si on comprend ta phrase. Ouais, c'est Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun. Ah, okay, tiens, mais tu fais du mal. Il y avait une petite imitation de grand-père Simpson aussi. Vas-y Sylvain, dernier essai, vas-y, top. Bienvenue sur Love in Fun. Incroyable. On croirait qu'on lui a enlevé le larynx. C'est laryngectomisé. Très bien, alors arrête la cigarette, Sylvain. On va pas se mentir. Et c'était pas mal, Sylvain, mais il y a une quatrième candidate. Je rappelle que tout est encore possible. Vous pouvez voter sur le Facebook Live. Et nous accueillons Chloé, 20 ans de Lyon. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Salut. Bonsoir Chloé, quel est ton incroyable talent? Alors moi, je sais faire des pétouf à la demande, sur commande, il n'y a pas de souci. D'accord, donc tu vas mettre ton téléphone près de ta fouf et donc faire ce que l'on appelle un pet de fouf. Mais dans quelle position tu te mets pour qu'on puisse imager ça? Je peux être debout, je peux marcher et hop, aspirer de l'air et l'air craché. Genre dans la rue, tu peux faire des pets de fouf comme ça, quoi. Ah. Tranquille. Pas de problème. D'accord, donc ça consiste à avaler de l'air avec ta fouf et à putain, je sais pas comment vous faites ça, les filles. Je trouve ça super. On peut pas comprendre. Ah ben, et c'est un spectacle. Chloé, je te demande, s'il te plaît, de te mettre à l'aise pour nous faire profiter de ton incroyable talent. Nous te laissons l'antenne à toi, rien qu'à toi et à ta fouf. Ok, c'est parti. Encore, s'il te plaît. Elle fait tout ça avec sa chatte, hein. C'est incroyable. On dirait des... Écoutez, coups de compète. Vas-y. Ok. Bon, alors, franchement, on vous aime tellement. Je vous assure. Vous nous faites nos soirées tous les soirs. Ah, j'adore. Que ce soit Chloé, Sylvain, Cathy, Clément, vous avez été tous les quatre incroyables. Incroyable. On va regarder tous les commentaires sur le Facebook Live. Et on va faire un petit mix. Et on votera aussi, nous, dans l'équipe, pour celui qu'on a kiffé le plus. Et on va donner le gagnant dans un instant. Donc, j'invite tous ceux qui sont connectés là sur Facebook Live, on va l'arrêter, à se connecter sur le live funradio.fr, puisqu'on est filmé en non-stop pendant l'émission entre 22h et minuit. Comme ça, vous aurez le résultat de cet incroyable talent, de cette belle battle. Vous nous avez régalé, franchement, tous les quatre. Vous restez avec nous pour le résultat? Ça marche, pas de problème. À tout de suite, les amis. Vous bougez pas. En plus, on sera avec Laetitia dans un instant, qui veut récupérer son ex en direct. Là, vous bougez pas. Et on revient avec Bad Bunny, Drake, Mia sur Fun Radio. Suivez Loving Fun en stream vidéo sur funradio.fr. Here we go. Christmas. À partir du 10 décembre, toute la team Fun Radio vous donne rendez-vous pour faire la fête. Le Christmas Tour passe bientôt près de chez vous. Rennes, Paris, La Défense, Rouen, Bordeaux. Are you ready? Salut, c'est Bruno. Rendez-vous à Rouen, au Théâtre à l'Ouest, le mercredi 12 décembre. Faites gaffe, ça va être n'importe quoi. Christmas. Pour assister aux émissions, inscription sur la page Facebook de Fun Radio. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi, Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun Radio et W9 présentent les princes et les princesses de l'amour. Trois princesses et trois princes encore célibataires vont tenter de trouver l'âme sœur. Cette année, grande nouveauté, une agence sur mesure va les aider dans leur quête de l'amour et les pousser dans leur retranchement. Même si je sais pas encore ce que je veux, je sais en tout cas ce que je veux pas. Ils pensaient tout connaître d'eux-mêmes et de l'amour, l'expérience va les transformer à tout jamais. Les princes et les princesses de l'amour, du lundi au vendredi à 18h50 sur W9. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Now you show me I can learn to, yeah. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Bienvenue sur Fun Radio. J'espère que vous passez une belle soirée. Nous, franchement, on se régale. Hein. Depuis 22h, là, on vient de se faire une battle exceptionnelle qui était en Facebook Live. Je vous invite à revoir ce Facebook Live pour vous marrer comme on a pu se marrer parce que c'était assez excellent ce qui s'est passé avec Clément, avec Cathy, avec Sylvain, avec Chloé qui attendent le résultat. Qui des quatre candidats ce soir va gagner le bon d'achat d'une valeur de 100€ à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Clément fait de la beatbox. Cathy a un talent assez incroyable. Elle est capable de parler avec une voix d'homme, une voix de femme. Eh oui, tout à fait. Ça va, Roger ? C'est Robert. Oh, ça va. Bon, et Robert, s'il te plaît, n'insulte pas mon prénom, merci. Incroyable. Va se fâcher, Sylvain. Sylvain, Cathy ne passe le téléphone à personne. Il n'y a pas de tricherie. Non, il n'y a pas de problème. Je parle comme ça, il n'y a pas de souci. Mais Robert veut absolument sortir de moi et s'exprimer aussi. Et il m'agace d'ailleurs. C'est une lutte permanente. On ne doit pas s'ennuyer avec toi en repas de famille, Cathy. Je le fais pas tout le temps non plus quand même. J'imagine. Sinon, Sylvain rotait, lui, en parlant. Et Chloé, voilà. Chloé nous a fait un pet de fouf, plusieurs mêmes pet de fouf en direct. Un concerto. Un petit concerto et on assistera à ton concert, bien évidemment, au Palais super. Royal. Alors, je rappelle que le Facebook Live avait une voix. On a tous une voix ici dans l'équipe. Oui. Quelle a été la voix pour qui va le vote du Facebook Live, Alice ? Alors, c'est sans appel. Au niveau des internautes connectés, c'est pour Cathy. C'est pour Cathy sur le Facebook Live. Je vais demander à Doc, l'homme percé tatoué, de donner son vote. Cathy. Cathy, Alice, tu votes pour ? Robert. Robert, donc Cathy, Kassim, tu votes pour ? Cathy aussi. Cathy, Coco, pour Chloé. Wouh ! Très bien, donc Coco veut se taper Chloé. Et Méloche ? Pour Cathy. Et toi, Karel ? Ma voix compte quintuple. Non, moi aussi je vote pour Cathy. Bravo, oh Cathy. Bravo. Bravo. Cathy a mis tout le monde d'accord. Oui, la fois que je gagne quelque chose. Ah ben voilà, non mais je pense Clément, Sylvain, Chloé, on est quand même d'accord pour dire que Cathy a vraiment un talent extraordinaire. Franchement, doucement après. Elle a un vrai numéro fini en fait, Cathy. Tu vois, elle est prête pour une finale de incroyable talent quoi. C'est vrai. Franchement, elle est prête. Cathy, bravo, félicitations. On va t'envoyer ton chèque cadeau d'une valeur de 100€. Je remercie beaucoup Sylvain, Chloé et Clément. Clément qui veut passer une petite dédicace. Vas-y mon poteau. Ouais, bah je vais passer une dédicace à Brandon, à mes parents et à mon frère qui m'écoute. D'accord. Et Sylvain et Chloé, vous voulez passer un petit message aussi ? Ouais. Donc, oui, coucou à tout le monde. Et puis gros bisous et vive les Petfoun. Vive les Petfoun. Sylvain, à ton tour. Ouais, alors je passe une dédicace à un pote DJ qui s'appelle Vodkal. Vodka, comme ça, avec deux A et un L. D'accord. Vodkal. Ok. Voilà, c'est un DJ, voilà. Si vous l'écoutez, électro, etc. D'accord, donc ça, on appelle ça faire une petite publicité et pas faire un petit bonjour. Il n'y a pas de problème. Hein. Fais ce que tu veux ici. Nous, on n'est pas chiant. On n'est pas chiant, mon Sylvain. Et félicitations encore, Cathy. Cathy, tu veux rajouter un truc ou pas Oui, merci beaucoup. Pour une fois que je gagne quelque chose, j'avoue que je suis très émue. Ouais, je vais pouvoir me faire tatouer des t-shirts. Génial, fantastique. Et je voudrais passer une petite et grande dédicace à ma meilleure amie Aurore, qui doit sûrement m'écouter actuellement, et à ma petite sœur et adorable d'amour Fatih, qui est au Maroc, qui m'écoute actuellement aussi. Fatih et Aurore, je vous embrasse. Robert pense à vous. Voilà. Je vous embrasse très très très fort. Ah Cathy, merci. Ah, merci à vous. Je vous embrasse aussi. Génial. Vous êtes vraiment géniaux. C'est toi qui est génial, Cathy. Merci beaucoup. Bienvenue dans ma famille. Bah ouais. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Cathy, sensationnel. Merci beaucoup à tous les quatre. On fera une nouvelle battle bien sûr demain. Un nouveau chèque qui va partir. Et là, on va accueillir Laetitia, 25 ans, elle est bretonne. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Salut. Bienvenue dans Love in Fun, Laetitia. Ce soir, merci. Tu veux récupérer ton ex. Tout à fait. Raconte-nous ton histoire. Eh ben, comme tout couple, dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas. Et dans mon couple, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et on s'est séparés à chaque fois qu'il y a eu des bas. Donc, à chaque fois, on revenait ensemble, on repartait ensemble, on revenait ensemble, et ainsi de suite. Ouais. Ça fait que couper, lâcher, et ainsi de suite. Combien de temps ça a duré, cette affaire? Disons que maintenant, ça fait 2 ans que ça dure, cette affaire. D'accord. Et en fait, on s'est séparés là au mois d'avril. On s'est séparés vraiment. Il a eu une histoire avec une autre personne. J'ai eu une histoire avec une autre personne. Et ça n'allait pas en fait. Dans son couple, ça n'allait pas. Moi non plus. On pensait trop à l'un et à l'autre. Donc on a largué nos couples respectifs. On s'est remis ensemble. Et là, il m'a relargué il y a une semaine et demie à tout casser. Donc voilà. Mais à cause de quoi il t'a largué là récemment? Comme tout couple, c'est des broutilles, c'est un surplus de conneries, enfin voilà. Mais vous apprenez pas, enfin je veux dire, c'est la 5e fois que vous vous séparez, quoi, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, ça marche pas, non? Bah oui, c'est ça, mais en fait, le truc, c'est que même si on n'est plus ensemble, en fait, on pense à l'un et à l'autre. Donc, on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe, que l'histoire n'est pas finie, qu'il y a quelque chose, ouais, on a des sentiments l'un envers l'autre. Il y a quelque chose, quoi. Il y a un truc qui est important, Laetitia. C'est super bien d'avoir des sentiments. C'est absolument nécessaire et indispensable pour avoir une relation. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut s'aimer comme deux fous. Mais des fois, ça ne suffit pas parce que on n'est pas compatible. Ça fait qu'on s'engueule tout le temps. Ça fait qu'on rompt en permanence. On se met ensemble, ça ne tient pas. Et hop, on recasse. Et on a beau essayer d'apprendre, de toute façon, ça n'avance pas. Donc, faut se poser la vraie bonne question, qui n'est pas est-ce qu'on est amoureux l'un de l'autre, parce que ça a l'air d'être évident. Mais c'est est-ce que on est fait l'un pour l'autre, ou est-ce que vous êtes capable, parce que fait l'un pour l'autre, ça pourrait faire un peu prince charmant, tout ça, ça n'existe pas, mais est-ce que vous êtes capable d'apprendre à faire avec l'un et avec l'autre? C'est-à-dire, toi, à faire avec qui il est lui, et puis que lui, il apprenne à faire avec qui tu es toi, parce que si vous engueulez en permanence et que vous rompez en permanence, c'est que vous n'avez pas l'air d'apprendre ou d'arriver à apprendre, en tout cas. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, sur toutes les histoires qu'on a pu avoir, à chaque fois, il dit que c'est de ma faute. Il dit à moi de me remettre en question et lui ne se remet pas en question. Ou alors il me le dit qu'il le fait. Et puis quand on le fait, en fait, c'est toujours pareil. Il met toute la faute sur moi, en fait. Ouais. Alors dans un couple, c'est 50-50. Oui, déjà. Bon, puis après, on s'en fout de qui est la faute. C'est pas le problème. De toute façon, asseyez-vous, parlez face à face avant de rompre, avant de vous engueuler. C'est là pour la prochaine fois. C'est OK, on s'assoit. Alors, c'est quoi la liste des problèmes? C'est quoi qui ne va pas? Et essayons de construire pour faire qu'ils ne se reproduisent pas. Faire un point, quoi. C'est important. Avant que quelque chose n'arrive. Ah oui, c'est ce qu'on fait, hein. On s'est vu vendredi soir pour discuter, justement. On a discuté de tout ce qui n'allait pas, de tout ce qui allait bien aussi. Enfin, entre guillemets. Bien. Et en fait, ça m'empêche, ça n'empêche pas. Il est toujours pas avec moi et ça le bouffe aussi, quoi. C'est pas facile. Il est de quel signe? Scorpion. Et toi? Sagittaire. Alice, astrologue, les scorpions, les sagittaires. Ouais, les scorpions, c'est pas facile. Hein. Les sagittaires, facile. Ça va. Les sagittaires se marient bien avec tout le monde. Mais les scorpions, ils s'imposent. Ouais, c'est Cassim et les scorpions aussi. Ouais. C'est un connard. Ouais, les scorpions, c'est des connards. Hein. Les scorpions sont des connards. On embrasse tous les scorpions qui nous écoutent. Hein, ça va leur faire plaisir. On a surtout, perdu. C'est Cassim, quoi. C'est Cassim. Bon, Laetitia, j'ai vu que tu avais laissé le numéro de téléphone de Jonathan. Oui. Il est chauffeur de bus, ton mec. Passé. Est-ce que tu veux qu'on passe un petit coup de téléphone pour en parler avec lui? Il travaille pas ce soir, donc c'est possible. Ok. On essaie de l'appeler? Oui. Je vais lui parler, d'accord? Oui. Ok, c'est parti. On appelle tout de suite. Ce service n'est pas disponible. Non. D'accord. Alors ça, c'est Coco qui vient de perdre son emploi. Et alors en plus, pour une fois que Coco fait le taf de Béloche, sans déconner. Allez, on rappelle là tout de suite. Ne t'inquiète pas, Laetitia, on va essayer de l'avoir. Il commence à quelle heure demain matin, lui? Non, demain il commence à midi. D'accord, donc ça va, donc il n'est pas encore couché là. Normalement non. 23h30. Le service n'est pas disponible. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Alors on n'arrive pas à le joindre, Jonathan, c'est vraiment dommage. Toujours mieux d'avoir la personne justement. Mmh. Comme ça nous permet de savoir aussi ce que lui pense. Laetitia, c'est pas évident là ta situation parce que j'ai l'impression que vous n'avancez pas. Et ça fait 2 ans que vous êtes un petit peu au même stade. Finalement vous construisez et puis le château de cartes s'écroule. À chaque fois vous reconstruisez et à chaque fois ça se casse la gueule. Est-ce que tu crois pas que tu pourrais peut-être trouver ton bonheur ailleurs? Bah, j'y ai pensé, mais en fait, je me dis que je sais ce que je vais perdre, je sais pas ce que je vais gagner derrière. Oui, mais ça, c'est toujours la même chose. Oui, hein, ça. Je veux dire, si tu prends pas de risque aussi dans la vie, il se passe jamais rien, quoi. Ouais. J'ai des sentiments amoureux pour lui, quoi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est difficile à tuer souvent, hein, mais bon. Vous en êtes pas encore à ce point-là. Moi, je pensais à autre chose. Pourquoi vous essayez pas une petite thérapie de couple? Voilà. Vous allez faire quelques séances. Vous l'avez fait aussi? Ouf. Ouais. Et alors? Eh ben, c'est empiré. Ah ouais. Ah, donc, il a pas l'air emballé par le couple, là. Hein. Ouais. En général, derrière ça, il y a souvent des trucs qui se rejouent, de vieux scénarios qui sont des parents, machin, et on a remis en place des trucs. C'est soit la thérapie de couple sur longtemps pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, soit c'est compliqué. Ouais. Ouais. Ouais. Donc ça va être difficile. Si vous avez déjà fait le bout de travail tout seul, le bout de travail avec quelqu'un. Alors faut dire que le médecin qu'on a vu disait ce qu'elle voulait Jonathan et disait ce que voulait entendre Jonathan. Elle lui disait et ce que moi je voulais entendre, elle me le disait. Sauf que c'était pas du tout la même son de cloche pour l'un comme pour l'autre. Oui, bon, donc c'est pas fair play non plus. Vu dit comme ça, là, je vais dire, ça m'a pas l'air très très professionnel et efficace. Mais bon, je pourrais pas juger sur deux phrases. Peut-être essayer quelqu'un d'autre pour voir. J'ai pensé. Mais je deuxième. Si la deuxième, ça fait la même chose. Bon, bah, faut se rendre à l'évidence. Hein. Ou alors, faut maturer, c'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin de vous séparer plus de temps. Bon, là, tu dis, ça fait depuis le mois d'avril, c'est ça? Non, ça fait une semaine, là, pour être... Non, une semaine, là. Oui, là, tout de suite, mais il y a eu un break un peu plus long entre avril et... Il y a combien de temps? Juin. Bon, c'est en juin, en fait. Ah, c'est court. Ouais, faut peut-être prendre plus de temps pour que les choses se sédimentent, que vous réfléchissez plus l'un sur l'autre, etc. Peut-être plus de temps de séparation. C'est un peu court, 3 mois. Ah ouais. Et alors, Laetitia, on va essayer de l'appeler demain dans l'émission si tu veux, comme ça, qu'on essaie au moins de l'avoir au téléphone. Tu vois, Laetitia. Ouais. J'imagine que ça doit te mettre dans tous tes états, parce que c'est vrai, quand t'es très amoureux de quelqu'un et ça fonctionne pas, c'est toujours un peu désastreux. Donc, on te récupère demain et on l'appelle en direct, ok? D'accord, y a pas de soucis. Gros bisous, Laetitia. Bon courage. Merci, bonne soirée. Salut ma chérie. On va accueillir dans un instant Elodie qui veut réagir. Alors, on va parler de rester pote avec ses ex, Alice. Ouais, carrément. On lance un débat. Et en fait, c'est la copine de Geoffrey. Elle est très, très, très pote avec son ex. Sauf que, bah, du coup, il a du mal à l'accepter. Donc, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est votre style? Ou même celui de votre mec ou de votre copine? Comment vous vivez la situation? On en parle justement ce soir. 01 42 48 5000. Dites-nous si vous êtes déjà resté pote avec vos ex. Toi, Alice, tu peux rester pote avec tes ex? Je peux. Si ça s'est pas mal fini, pourquoi pas? Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Je crois qu'il faut une petite période où on ne voit plus trop et puis après on est content de se retrouver. Voici Bad Bunny et Drake sur Fun Radio. Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía, yeah, dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Cuando yo te lo hacía, yeah, yeah, yeah, yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo de nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu cobo con la for y lo espanto. Me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Dile que tú eres mía desde la high, el yerno favorito de tu Mike. El campo que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera para recordar los tiempos en la escalera. Dile que ya no soy. Soy tu primero, tú eres mi primera. Ay, ay, ay. Todos te quieren probar. Ajá. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Bad Bunny, Drake sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc. De 22h à minuit. Allez, matez la nouvelle vidéo qu'on vous a mise là sur la chaîne YouTube Love in Fun. Vous abonnez, hein, vous activez les notifications. Pensez à la petite cloche. Hein, hein, petite cloche. Mehdi a annoncé à sa maman qu'il avait utilisé la carte bleue pour prendre un abonnement d'un an à un site de cul. Il y avait une promo. Il y avait une promo. Sa mère était hystérique. C'est franchement à mourir de rire. Et en plus, franchement, Mehdi, c'était un petit champion. Donc allez mater tout ça. Il y a plein d'autres vidéos aussi à aller regarder. Franchement, depuis le temps, il y a quand même pas mal de choses à aller mater. N'hésitez pas. La chaîne YouTube Love in Fun, et à vous abonner à la chaîne, hein, surtout. Comme ça, vous êtes tenu au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Là, maintenant, on va parler de rester pote avec ses ex. On a tous eu une expérience avec quelqu'un et voilà, on était très très amoureuse de la personne, très amoureux de la personne. Et puis à un moment donné, il y a séparation. Est-ce que vous êtes déjà resté pote avec votre ex? Est-ce que c'est possible l'amitié après avoir vécu une vraie belle histoire d'amour? On en parle avec vous tous, vous toutes, et avec Élodie, 23 ans de Bourges. Bonsoir Élodie. Salut. Salut. Salut Élodie. T'as déjà été en couple, toi? Ouais, j'en sors là. Ah, donc tu sors d'une relation, c'est de lui qu'on va parler? Ouais, c'est ça. Très bien. T'es resté combien de temps avec lui? Ça s'est fini quand? Ça a duré un an et ça s'est fini il y a un mois. Il y a un mois, donc c'est encore tout récent. Généralement, quand tu te sépares comme ça, le premier mois, il est très difficile. Qui a quitté l'autre? C'est lui qui m'a quitté. Enfoiré. Alors pour lui, en général, c'est plus facile et c'est souvent l'autre qui dit « Ah ouais, on peut rester pote ». Toi, t'étais hyper amoureuse, Élodie? Ah oui, mais je le suis toujours. Hein. Ah d'accord, donc là, t'es en train de morfler sévère. Oui et non, parce que je retrouve ma liberté, donc ça va. Ok, c'est l'un des avantages du célibat. Mais... Ouais, et puis ça fait perdre des kilos aussi, c'est bien. Comment ça, ça fait perdre des kilos? Bah parce que l'amour, ça fait grossir et la séparation, ça fait maigrir. Bah, ça dépend, hein. Des fois, tu te sépares et tu finis avec ton pot de glace devant ouais, la télé. Ah ouais, j'avais plutôt l'impression que c'était l'inverse en fait. Ah bah pour moi c'est le cas de maigrir. Okay. On dit souvent quand même que le mariage, peu importe entre guillemets, ça fait prendre du poids quand même. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de mariages alors. Et, okay. Élodie, donc là t'en es où avec ce mec? Est-ce que t'es pote avec lui? Alors lui, quand il m'a quitté, il m'a dit que j'étais une personne formidable, etc., qui souhaitait qu'on reste amis. J'ai dit, bon, puisque pour moi, ça reste un homme merveilleux, je me suis dit, il a sa chance d'être dans ma enfin, je lui laisse sa chance de rester dans ma vie. On reste amis, mais pas non plus à se côtoyer tous les jours, à tout se raconter, quoi. Ouais, donc t'espères, en fait. Voilà, bah moi, si tu veux, il y a encore les sentiments, forcément. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce week-end, j'étais sortie entre amis et sa mère m'a appelée me disant « Ouais, il m'a fait une déclaration d'amour à ton sujet, nanana, laisse-lui la chance de venir te parler. » Je dis « Ok. Ouais. » Donc, il est venu vers 2h30 du matin chez moi. Il m'a fait une déclaration de malade, promis des efforts comme pas possible. Bref, on a fait nos affaires plusieurs fois dans la nuit. Le lendemain matin, il se barre, comme ça d'un coup, et il m'envoie un SMS me disant « Non, mais en fin de compte, c'est mort, ce que je t'ai dit hier, c'est pas possible, on va pas se remettre ensemble, c'est pas vie, nanana. » C'était pour te niquer. Voilà, enfin, en gros, et puis il me met dans le message « Je suis désolée d'avoir dormi dans tes bras cette nuit. » Donc wow. Moi, le seul truc que je lui réponds, c'est « J'ai été ton vide-couille cette nuit. » Il m'a répondu « Désolée. » Oh. Ouais. Ah ouais, un homme extraordinaire, comme tu nous le décris, hein, vraiment. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Non mais c'est quoi ce délire Ouais, tu vas peut-être pas rester pote avec, non? Ah ouais. Bah là non, du coup là je l'ai bloqué de partout. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah putain, mais moi j'ai... Ouais. Ah ouais, non, il s'est bien foutu de ta gueule. Là, ouais. Ah bah oui, puis là il cherche tout prétexte pour revenir encore chez moi. J'ai oublié ça, J'ai dit c'est bon, je te dépose tes affaires dans un certain bar, t'iras les chercher, point barre. Parce que le mec, non seulement il te quitte, mais en plus après il joue le jeu de l'amour avec toi. Quoi. Alors, mais c'est ça. Et il s'est servi de sa mère carrément. Ouais. Parfois, on peut y croire. C'est-à-dire, je dis pas ça pour lui spécifiquement, mais ça arrive parfois où on y retourne en se disant ah oui, non, mais ça va marcher, etc. Et puis effectivement, on fait du sexe, on fait l'amour, on passe la nuit, et puis, on se rend compte que non. Ah donc, non. Oh, bah, bon. Oui. Je sais pas, c'est peut-être son cas. Je me suis rendu compte que c'était un manipulateur, mais bon, ça après, c'est une autre histoire. Mais pour moi, rester ami avec son ex, surtout quand l'un des deux a encore des sentiments, c'est pas possible. Il y a un des ex, en général, qui veut toujours contrôler encore la vie de la personne, et je trouve ça malsain. On peut peut-être passer à autre chose, en tout cas, laisser du temps entre voilà, les deux. Voilà, c'est ça. Vous serez peut-être amis dans 6 mois, 2 ans, ou pas, hein, ou jamais. C'est pas très grave non plus. C'est ça. Voilà, Elodie, elle a pas l'impression qu'elle a envie d'être très très pote avec lui, là, en ce moment, hein. Ah non. Ouais, t'as bien raison. On va accueillir Maud, 19 ans de Montluçon. Camille aussi va réagir pour nous raconter leurs histoires justement avec leurs ex. Est-ce qu'elles sont restées avec leurs ex? Toi, Kassim, t'as beaucoup d'anciennes copines avec qui t'es resté pote? Ouais, ma dernière meuf, je reste en contact avec elle, mais ma meuf actuelle ne veut pas du tout. Ah, ça aussi, c'est important de le dire. C'est vrai que généralement, c'est plutôt la nouvelle ou le nouveau qui veut pas trop que vous ayez encore des rapports avec vos ex. Ouais. Ouais, carrément. 01 42 48 5000, dites-nous ce que vous en pensez. On vous attend nombreux, nombreuses. Et dans un instant, on aura aussi Jérémy, 25 ans d'Angoulême. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Bonsoir Jérémy, tu t'appelles pourquoi toi? Alors, je fais craquer ma vie. Est-ce que c'est dangereux? Oh! Une démo. Je fais craquer ma bite. Est-ce dangereux? À tout de suite sur Fun Radio avec Criss Cross Amsterdam. Ah, y a que sur Fun Radio dans le Vin Fun qu'on entend ça. Restez bien avec nous. On est là jusqu'à minuit tous ensemble, la famille Love in Fun. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Bruno dans la radio. Ce matin. C'était ça. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Malik Bentala. On m'a dit qu'on payait des factures. Oh là là, tu payes une facture. C'est moi qui paye une facture. Ouais, c'est toi. Allô? Allô? Malik dans la radio. Salut Manuela, comment ça va? Tu pleures Manuela, non? Bah oui. Mais c'est que ça doit être une grosse facture, c'est quoi? Je l'ai sous les yeux, 771 euros découvert de Manuela. Ah non, c'est un découvert. Exactement. Merci, vous êtes géniaux, continuez. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Party Fun 2019, la compile événement avec Offenbach, Soprano, Maître Gims, Aya Nakamura, Dua Lipa, Koos, The Prince Karma, Martin Garrix, Loud Luxury, le meilleur du son dance floor est sur Party Fun 2019. De 22h à minuit, du sexe, de l'amour et du fun. Love it fun. Sur Fun Radio. Alguno parece no todavía. Viven en el siglo de la hombría. Que te arreglas solo para ellos. Y que para tu hombre te maquillas. Solo para él. Y eso se te baila. Aunque dejo claro que no quiero. Creen que lo mío es coqueteo. Quiere gozar, ella no anda buscando drama. Le dije, vámonos, vámonos, vámonos. Y ella, la cama, la cama, la cama, no. Quiero que esta noche te vaya conmigo. Pero a la cama, la cama, la cama, no. Solo para él. Y eso se hace bailar. No es solo para él. Que me gusta gozar. Y él me dice, vámonos, vámonos. Cross Amsterdam sur Fun Radio. Du sexe, ah, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs. Love Fun. De 22h à minuit sur Fun Radio. Je crois que c'est la soirée des incroyables talents, puisque dans un instant nous serons avec Jérémy, 25 ans d'Angoulême, qui quand il bande fait craquer sa bite. Ah oui. Restez avec nous, ça nous étonne. Même Doc est étonné. C'est bizarre. Bizarre. Restez avec nous, on va tout savoir. On va continuer aussi de réagir hein, sur Restez potes avec ses ex. Il y a beaucoup de réactions là au standard. N'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000. Et puis Johan est avec nous, il a une question à la con. Top à la question. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Top à la question à la con. Bonsoir Johan. Bonsoir, salut toute l'équipe, salut Karel, salut tout le monde. Salut, je sais plus trop. Alors, il y a qui ? Alice, Doc. C'est ça, hein ? Je crois qu'il y a Coco aussi. Ouais, Coco, ouais. Qui d'autre ? Doit y avoir Méloche. Attends, je crois que j'ai les noms notés sur un papier. Ah, t'as noté les noms ? Ah ouais, c'est bon ça. Bah, bien sûr, on peut noter les noms des personnes qu'on apprécie le plus. T'as oublié Kassim, mais t'as raison, c'est celui qu'on oublie tout le temps. Hein ? C'est celui qu'on. Désolé, Kassim. C'est pas grave. La plupart des auditeurs le détestent. Alors, Johan. Non, encore ça va, je l'aime bien. Il a un humour à peu près comme le mien. Mais oui, on l'adore ou on le hait. Ah oui. C'est ça qui est fort. Alors, Johan, t'as une question à la con. Tu sais que, voilà, ici, comme Johan, vous pouvez venir poser toutes les questions que vous voulez. Quelle est ta question à la con, s'il te plaît? Ouais, bah, alors, je voulais savoir si c'était possible de reconnaître ses potes à l'odeur de leur paix. Parce que moi, j'ai rien à faire. T'as un super pouvoir. Tu vois, je suis reniflator. Ouais, non, mais alors, c'est marrant ça parce que Alice m'a fait la réflexion. Alors, je sais pas si on. Non, pas balance. C'est vrai. Mais il y a un mec qui fait caca dans les toilettes des filles. Et j'ai déjà entendu. C'est bon, je sais qui c'est. C'est qui alors, Johan? Je crois que c'est Coco. Je crois que je l'avais entendu dans une autre émission. Non, c'est pas ça, Johan. Alors non, pas du tout. C'est pas lui. C'est pas Coco. C'est quelqu'un d'autre. Non, mais là, c'est différent. Je reconnais pas l'odeur d'un prout de quelqu'un. C'est juste que quand tu arrives dans des toilettes pour femmes et que tu sens le caca plus le parfum de quelqu'un que tu connais, là forcément tu reconnais. C'est signé, tu vois. Vrai que hier on était tous ensemble dans l'ascenseur. Coco a lâché un P immonde et Méloche, à l'odeur, elle lui a dit « Oh, mais c'était toi en fait, tous ces P-là, je reconnais l'odeur de Coco. » Maintenant, elle arrive à savoir quand c'est Coco qui pète. Quoi. Est-ce que vous voulez qu'on appelle la personne dont parle Alice? Non. Si. Oh non, n'importe Allez, quoi. Si. Ça va, n'importe quoi. Et j'ai tout senti vos odeurs dans les toilettes pour femmes. Hein. Et Coco, c'est le premier à chier dans les toilettes pour femmes aussi. Hein. Non, on l'appelle pas. Bon, d'accord, on l'appelle. Non, vas-y, on l'appelle pas. Non, ça va être gênant. Non, c'est gênant. Rien, il a le droit de faire caca. Hein. C'est gênant. Et ça se trouve, le pauvre, il avait même pas fait caca. Voilà. Et quelqu'un était passé entre temps, et c'est de sa faute. Non, franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien. On va pas le déranger, mais voilà, c'est quelqu'un qui travaille à Fun Radio. Et on peut reconnaître l'odeur de. Tout à fait, parce qu'en fait, l'intestin a sa propre flore intestinale et c'est propre à chacun. D'accord. C'est très personnel. Et donc, la fermentation va donner un gaz qui est particulier. C'est une sorte de signature. Ah ben voilà. Attends, je sais pas ça. Eh ben, tu vois, Johan, on apprend des choses grâce à toi. Bah, j'espère en tout cas, moi j'aurais appris que j'ai un super pouvoir. Eh ben exactement, Johan. Eh ben merci beaucoup d'avoir appelé, Johan. Bah merci, y a pas de quoi. À bientôt, Johan. Ciao mon poteau. Et on va accueillir Maud, 19 ans, de Montluçon. Bonsoir Maud. Salut toute l'équipe. Salut Maud. On parlait tout à l'heure, on était avec pas mal de réactions là sur le fait de rester pote avec son ex. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé? Pour toi, c'est impossible? Pour toi, au contraire, c'est normal de rester pote avec quelqu'un qu'on a aimé? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, pas du tout. Personnellement, c'est sûr que non. Ah ouais. Et en revanche, c'est arrivé, entre guillemets, à mon copain actuel. Il était ami avec. C'était même pas son ex, c'était son ex plan cul. C'est pas vrai. Voilà. Ah oui. T'as pas kiffé, toi? Ah non. Non, on est toujours ensemble, mais je l'ai très très mal vécu pendant très longtemps, hein, certes. D'accord. Donc, c'est quelque chose que j'ai quand même très mal vécu pendant plus de 6 mois, parce que ça va faire un an et demi qu'on est ensemble maintenant. D'accord. Et il est toujours aussi proche, là? Avec moi ou avec elle? Avec elle. Ah non, avec elle, concrètement, à un moment, j'en ai eu très marre. Voilà. Et j'ai dit concrètement, je me casse si tu continues. Mais je lui ai fait comprendre. Oui, donc maintenant, il la voit dans ton dos, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il te le dit plus, quoi. De ce que je sais, non. Après, voilà, bien sûr. Mais c'est surtout qu'en fait, ils ont un métier où ils se voient très souvent. Donc, ça reste compliqué. C'était avant toi. C'était une histoire avant que vous soyez ensemble. Ah oui, c'était avant qu'on soit ensemble. Donc, qu'est-ce que tu crains? L'attirance sexuelle. C'est pas forcément que je craigne quelque chose, mais c'est que maintenant qu'il est avec quelqu'un, que parce qu'en gros, il était plan cul, mais lui avait des sentiments et elle non. Et je me dis que peut-être que maintenant que lui, il est ailleurs, qu'il est content dans quelque chose, qu'elle se rend compte de la connerie qu'elle a fait de pas vouloir en fait. Ouais, peut-être, d'accord, mais enfin, si lui il est amoureux et toi aussi, enfin, tu vois, la question doit pas du tout se poser. Même, si t'as confiance en toi, dans la relation et en lui, bon, voilà, un ex-plan cul, c'est un ex-plan cul. Moi, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire, Doc, et je comprends ce que veut dire Maud. C'est-à-dire, c'est un peu la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'en théorie, c'est vrai que quand t'es plus avec quelqu'un, que t'es avec quelqu'un d'autre, je vois pas pourquoi tu pourrais pas avoir une belle amitié avec un de tes ex. Mais ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que. Ça peut déraper à tout moment. Ils se sont déjà vus tout nus. Bah, ils se sont déjà vus tout nus. Et surtout, ils se voyaient exclusivement pour du sexe, quoi. En plus. C'est ça. Comprends. Moi, j'aurais été pareil, j'aurais été jaloux et tout. Ça m'aurait saoulé. Franchement, en plus, je suis pas de nature jalouse, mais je trouve ça malsain. J'aime pas du tout. C'est sa sœur non plus. C'est quand même un manque de confiance en soi. Doc, moi je le comprends, mais en même temps, Doc, toi t'es libertin. Oui. Donc, voilà, pas du tout. Absolument pas. Action, vérité. Non, mais attends, moi j'ai. Moi, je vais vous dire, on est allé à Montpell, à Montpellier, à Montpellier ce week-end. Allez, sors les dossiers. Tu lui fais une fausse réputation. Moi, je peux pas laisser dire ça. À un moment, je trouve que ça va un peu trop loin. C'est ça. Le piercing au téton, ok, mais le libertinage. Non. Ouais, enfin, ça va. Il était avec un couple d'amis, il leur a dit allez dans la chambre, vous allez pouvoir faire vos besoins. Et alors, il est célibataire, il échange personne, enfin. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non mais voilà, alors OK. Maud, oui, c'est ça. Oui. Maud, en attendant, moi je suis de ton côté, Maud. Hein, t'as vu, ils sont tous contre moi, mais moi je te comprends. Merci. Voilà. Merci Maud. Camille est là aussi. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bonsoir salut. Camille. Salut. Bon, salut. À Marseille. Salut, les gars. À Marseille, on reste potes avec ses ex quand même. Mais alors pas du tout. Mais putain, mais sans déconner, ça n'existe pas. Hein. Non, ça n'existe pas. Et toi-même, tu n'es jamais resté pote avec un de tes ex? Alors moi, comme je disais, c'est que je pense que... Enfin, j'ai une théorie, en fait. C'est que si on est pote avec ses ex, c'est qu'on les a jamais aimés. Oh, mais non. N'importe quoi. Ou alors, c'est qu'on les aime encore et qu'on veut encore un sexe. Bah, mais non. Non, mais il y a un entre-deux. Mais bien sûr. Il y a l'amitié, ça s'appelle. Moi, le seul gars avec qui je suis restée pote, c'est que j'étais pas longtemps avec eux et que je les aimais pas. Et les mecs avec qui vraiment j'ai vécu des trucs et que j'ai aimé... C'est justement pote quand il n'y a plus d'amour et qu'il n'y a plus d'ambiguïté, tu vois. Enfin, souvent, justement, personnellement, je trouve ça... 5 ans après, alors. Personnellement, je trouve ça plutôt sain de se dire... Parce que des fois, tu sais, tu te sépares de quelqu'un, mais pas parce que l'un des deux n'avait plus de sentiments ou pas parce qu'il y a eu tromperie et que tu ne l'as pas décidé. Des fois, c'est les deux qui décident et qui se rendent compte que finalement, ils ne sont pas faits pour être ensemble et qu'il n'y a plus les sentiments qu'il y avait au début. Tu vois, quand c'est ce genre de truc que c'est clair, tu peux être pote, je pense, personnellement. Hein. Mon avis, c'est que tu peux être pote avec quelqu'un si il n'y a plus l'ambiguïté. Qu'il n'y a plus l'attirance sexuelle et que tu as la sensation que tu gardes ça. Enfin, tu es quand même ami avec ton mec à la base avant d'être en couple. En tout cas, mon dernier ex, là, je l'ai quitté parce que j'avais envie d'être seule. Je lui ai dit, écoute, on peut rester potes, tout ça. Et en fait, à chaque fois qu'il me reparlait, ça me gavait et je pouvais pas, quoi. Genre, j'étais trop mal et du coup, on a coupé les ponts. Oui, mais t'as besoin d'un temps de cicatrice. J'avais plus envie d'être avec lui ni rien. J'avais pas de rancœur envers lui, mais je pouvais plus, quoi. Il y a quand même un brin de sentiment qui n'est pas encore complètement réglé, il faut du temps. Mais ensuite, tu peux aussi être ami avec ton ex parce que les choses sont claires, les choses sont passées, c'est fini, t'es passé à autre chose. Voilà, et ça peut se faire vite, ça dépend s'il y a un déséquilibre dans la relation. Et le plus dur, c'est de passer à autre chose, quoi. Et c'est ça. S'il y en a un des deux qui reste amoureux alors que l'autre a dit on s'arrête, bien sûr que ça c'est compliqué et que ça prend du temps. Mais quand une relation se termine, parce que ok, ça marche pas, point, et que c'est juste ça, on peut être amis plus vite. Enfin, moi, en tout cas, autour de moi, j'ai pas vu des gens rester amis avec leurs ex ou. Et c'est dommage. Vraiment qu'ils ont passé 2 mois ensemble et qu'en fait, ça voulait rien dire, quoi. Moi, je veux dire. Ouais, non, mais je comprends ce que tu dis, Camille, mais je trouve ça dommage. Et d'ailleurs, je m'étais fait cette réflexion-là après être resté 3 ans avec une nana. Et j'étais, fou amoureux d'elle. Je pense qu'elle aussi et tout. Mais à un moment donné, ça s'est arrêté. Et je me disais, un an après, que j'avais plus aucune nouvelle d'elle. Et enfin, voilà, on s'appelait plus du tout. Et je me disais quand même, c'est dommage parce que tu vis 3 ans avec quelqu'un, t'es 24/24 avec elle. Et il se passe plein de trucs. Enfin, on échange, on parle énormément, on se dit tout. Et puis après, y a plus rien. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Ouais. Jusqu'à ce qu'il y ait autre chose, peut-être. Peut-être que dans un certain temps, tu pourras à nouveau discuter. Elle est partie dans un autre pays, Doc. J'ai essayé de la contacter. Mais souvent, c'est juste. Et devenir amie parce que tout est réglé, tout est clair. Je supprime de partout. Moi, je coupe tous les ponts. Je supprime les numéros, j'enlève des réseaux. Mais souvent, c'est pour quelqu'un d'autre que tu fais ça. En fait, c'est ça. C'est plus facile pour les deux de se reconstruire derrière. Je ne pas les photos, les trucs, les trucs. Enfin. C'est une décision qui se prend par les nouveaux mecs et meufs. C'est ça, quand tu te remets en couple avec quelqu'un, ton mec il dit c'est pas cool. Et quand ton ex se remet en couple avec quelqu'un, sa meuf ou son mec lui dit c'est pas cool. Mmh. C'est ça qui te pousse à couper les ponts. Mais toi, t'as une histoire d'exception. Au bout de ça, j'étais d'aller faire foutre. Alors, t'es un petit peu coupé, Camille. On te capte un mot sur deux. Ouais, je vais poser la question à Adrien Thomas, qui va démarrer Party Fun dans un instant. Oui. Bonsoir, Adrien. T'es déjà resté pote avec tes ex, toi? Oui. Ouais, pas de problème. Non, pas de problème, non. Problème. D'accord. Et alors, quel est ton secret? Je me prends pas la tête. Enfin, moi, je passe facilement à autre chose. Donc, on n'a qu'une vie, merde. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais c'est pas facile. Tout le monde n'y arrive pas. Non, bien sûr. Mais après, oui, on se voit pas, quoi. Enfin, on se parle, on est toujours sur les réseaux sociaux, Facebook. Ouais, voilà, ça devient une connaissance. Tu te prends des nouvelles de temps en temps. Et puis si voilà, tu mais croises, tu te content, et puis bah voilà, ça, tu, ouais, non, mais voilà, c'est tout. Voilà. Mais il y a pas de genre, moi, j'arrive pas à blacklister les gens de ma vie, quoi. Vraiment, oui, mais t'es pas si... en mode meilleur pote, tu sors avec ton ex, tu la vois souvent, tout ça, quoi. Non, ça non. Non, ok. Bon, voilà. Après, je pense que le mieux, c'est de se sentir bien, surtout avec la personne avec qui on est. Après, les ex, tant mieux si on reste pote, et tant pis si c'est pas le cas, quoi. Voilà, j'ai fait la conclusion. Qu'est-ce qu'il a, je crois qu'on est en train de perdre Coco. C'est plutôt une bonne nouvelle. D'accord. Voilà. Il est minuit, hein, moi mon contrat est terminé. Je vais vous dire ce que je veux. On va se retrouver dès demain sur Fun Radio, les amis. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Demain, on sera là à partir de 22h. N'oubliez pas, lundi 10 décembre, c'est dans quelques jours maintenant, ça se rapproche. Les Bretons, les Bretonnes, nous allons à Rennes au Meltdown. C'est un bar de gamers. Là-bas, on peut faire du Overwatch, du Street Fighter, on peut s'éclater. Et on fera une émission de radio lundi soir entre 22h et minuit. Vous êtes tous cordialement invités. Il y a le 01 42 48 5000 et l'événement Facebook aussi qu'on a lancé sur le Facebook de Love in Fun. Il est déjà là, Adrien Thomas, bonsoir. Salut. Ça va, Adrien? Oui, très bien. Ouais, tu faisais quoi? Tu fais quoi avant de venir là? Parce qu'il y a ton émission entre 19h et 20h avec JB. Alors, il y a plusieurs, si vous voulez tout savoir sur ma vie, il y a plusieurs options. Ouais. Il y a l'option rentrage à la maison, dîner, télé. Ouais. Il y a l'option studio, musique. Il y a l'option restaurant. D'accord. Et il y a l'option qui est effectivement la moins fréquente, mais j'essaie de le faire quand je peux, le sport. Attendez pas ça. Et t'as fait quoi? Tu fais du sport, tu t'entretiens? Alors, pas de musculation pour le moment, j'en ai eu fait. Mais mon gros problème, c'est que toute ma vie, j'ai eu des abonnements dans des salles de sport. D'accord. Donc, j'y vais, mais je fais que du cardio. Je fais que du comment ça s'appelle, du rameur, du tapis, non, du, tu sais, t'es debout là et t'as les bras comme ça là, l'elliptique, voilà, du vélo elliptique, voilà. Parce qu'on m'a dit que ça c'était le truc le plus, le tapis, ouais. Je peux pas, j'ai essayé, je suis mort au bout de 5 minutes, mais c'est chiant. Donc c'est chaud de faire, ouais, du sport comme ça. Non, l'elliptique je conseille. Franchement, je trouve que c'est le truc le moins chiant. En plus, tu sais, maintenant, ils ont les trucs avec la télé et tout intégré dedans. Non, enfin, je pense que c'est top. Et moi, personnellement, je vois pas le temps passer. Ouais. Et je m'étonne même des fois de rester longtemps dessus. Non, mais vous avez rien compris. Moi, je fais de la Zumba. Et mais la danse, c'est bon aussi. Non, mais tu as raison. Tout, ouais, voilà. Alors, attends, j'ai écouté. Tout sport est bon à prendre. J'ai entendu un truc tout à l'heure. J'étais pas du tout au courant. Et j'ai entendu un speak de JB cet après-midi qui disait qu'il faisait de la boxe. Oui, JB fait de la boxe. C'est vrai. Il va être content d'entendre que vous foutez de sa gueule. Il fait le sac. Alors, pas du tout. Alors, le sac. Vous noterez que j'ai rien dit. C'est son ancien assistant Corentin qui. Mais toi, t'as changé, hein? Bah, il a changé. Ouais, c'est pas vrai, il fait pas de boxe. Mais c'est depuis que vous êtes foutu de sa gueule avec ses photos de l'été dernier. Ah, il a envie de se Instagram. C'est vrai, il avait posté des photos de son corps. Et, je ne suis pas sûr que la boxe ça aide à avoir des abdos. Si, la boxe. Ah, je ne sais pas. Bah, de toute façon, c'est toujours bien de faire une activité physique, hein, quelle qu'elle soit. Ah, tu sais t'en après, sortir, abdos, toi. Abdos ou pas abdos, on s'en fout un peu. Ah, bah si, ouais, ils sont gaulés quand même, les boxeurs. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'ils font pas que ça. Ils doivent faire d'autres trucs. Bah oui. Voilà, je pense, voilà, que. Non. Sport and Fun sur Fun Radio. C'est la fin de la chronique Sport and Fun. Et place à Party Fun. Sport and Fun. Jusqu'à 1h du matin, c'est Party Fun avec Adrien Thomas. Bonne soirée tout le monde et à demain. Ciao. Open your eyes for a new reality. Feel the beat. You're gonna live a magical night. You will discover a new sensation. Party Fun. Yes, bonsoir à tous et bienvenue sur Fun Radio, minuit 4, on est en direct, c'est Adrien Thomas, jusqu'à 1h du matin ce soir. J'ai le nouveau Black Coffee, vous connaissez Drive avec David Guetta, Il a fait un nouveau morceau Black Coffee. Alors vous allez voir là, on est vraiment dans l'esprit Black Coffee, Ibiza, 3h du matin. Vraiment, vous allez voir, le morceau est assez atypique. Il s'appelle Wish You Were Here. Avant ça, le nouveau Maeva Carter. Ouais, elle me l'a envoyé, je l'ai pour vous. Du rétrovision au programme du Jonas Blue. Et pour attaquer un classique, évidemment. Sound of Legend sur Fun Radio, Party Fun.